master et ethnomusicologue chargé de recherche au CNRS et spécialiste de la musique tzigane en Roumanie. Ses premiers travaux ont porté sur les effets de ruse ou de malice chez les musiciens professionnels tziganes, c'est-à-dire ensemble des tours ou des techniques, des trucs qui, au sein de la pratique musicale, étaient supposés, censés permettre d'accroître un regain d'émotion chez les auditeurs. Et il a ensuite élargi son champ de recherche à l'ensemble des pratiques virtuoses ou des phénomènes d'imitation ou des traits d'humour au sein de la musique, en accordant toujours une attention particulière à l'effet produit chez l'assistance ou chez, en l'occurrence, les auditeurs. Et aujourd'hui, sa réflexion devient plus théorique, je crois qu'on peut le dire comme ça, ou épistémologique. On a eu un petit coup de sourio pour donner un avant-goût en fait, de la portée que tu vas nous raconter, puisqu'il s'intéresse au statut d'agent qu'on attribue parfois à la musique, ou à certains traits de la musique, lorsqu'on dit que la musique nous fait voir ou que la musique nous fait ressentir un certain nombre de choses. Et toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut décrire ce pouvoir, cette agence qu'on va attribuer à la musique, en sachant que, d'une part, ça ne peut pas s'agir d'un pouvoir de la musique en elle-même, ou François Lorrain, même en dehors du tout auditeur, dans cette veine-là qu'on peut la trouver, et ni non plus, et c'est là-dessus que je pense que tu insistes le plus, ce n'est pas non plus réductible à une attribution en fait, que l'auditeur accorderait à la musique. Et du coup, ça te conduit à un travail sur la notion d'agency, cette notion qui revient aujourd'hui en anthropologie, et qui situe ton travail en fait, à la croisée, enfin, en tout cas en débat, avec trois types de traditions, les recherches ontologiques, disons, telles qu'elles se développent aujourd'hui sur les schèmes ontologiques mobilisés, les modèles cognitifs, avec tout ce travail sur les pièges à penser, pas mal Gell, Boyer, etc. Et puis troisièmement, les paradigmes, disons, de sociologie pragmatique, à la Aignon, avec la question de la sensibilité ou de rendre sensible. Pour cette rapide présentation et ta présentation d'aujourd'hui, intitulée De quoi la musique est-elle faite ? Donc, merci Victor, et puis je te passe la parole. Merci Camille, merci pour l'invitation, merci d'être venu aujourd'hui. Ça va être assez expérimental parce que c'est encore un thème sur lequel tâtonne, en fait, depuis quelques années, et je tâtonne encore. Et en fait, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est moins la question de l'agency qui va apparaître à un moment, mais ce dont je vous propose de discuter, ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours éclairés, notamment les aspects un petit peu peut-être philosophiques. Là, j'ai mis plus de philo que je ne mets d'habitude dans les présentations pour des ethnologues ou pour des ethnomusicologues, donc j'espère qu'on va pouvoir discuter de cet aspect-là. C'est la partie un petit peu ontologique de la question. Donc du coup, de quoi la musique est-elle faite ? Pour commencer, on a un problème, alors je vais survoler assez rapidement ça, mais on a un problème avec ce que c'est que le son, ce qu'est un son. Il y a un problème entre une description physicaliste, disons, qui est un peu celle de l'acoustique, et la perception. La description physicaliste, en gros, elle reconnaît 3-4 paramètres dans un son. La fréquence d'un son, la forme de l'onde. Alors, là, c'est déjà une représentation un peu élaborée, je vais y arriver dans un instant, mais vous voyez un peu j'aurais dû mettre cette image. Ce que ça donne, si vous ouvrez simplement n'importe quel fichier sonore dans un logiciel comme Audacity, vous avez un truc comme ça, une espèce de forme d'onde. Cette forme d'onde qui reflète très fidèlement les vibrations d'un diaphragme qui capte les vibrations de l'air. Bon, et par rapport à une représentation comme ça, donc il y a une fréquence, il y a une forme de ces deux ondes. Après, on peut faire une analyse de cette oscillation et déceler des composantes spectrales. C'est ce à quoi sert, on se sert pour ça d'un algorithme qui s'appelle la transformée de Fourier, et ça donne un sonagramme comme ce qu'on voit là. Et les acousticiens sont aussi sensibles à l'évolution temporelle, à la manière dont le son commence et se termine. Ça détermine, ils ont mis en évidence, ça détermine beaucoup notre sensation d'un timbre. Je pense que vous avez peut-être déjà vu des représentations de ce type. En gros, là-dessus, vous avez un axe temporel, un axe des fréquences en hauteur, et puis un troisième axe qu'on ne voit pas directement, qui est représenté là, en fait, une échelle de l'énergie, en décibels, donc, de l'énergie qui existe à chaque fréquence à un moment T. Donc ça, ça permet de voir, en gros, ça permet de visualiser. C'est la visualisation qu'on a en acoustique et en ethnomusicologie de n'importe quel son. La visualisation qui permet de voir les composantes spectrales, donc les différentes fréquences qui constituent, qui s'étagent pour constituer un son. Si on écoute ça, vous voyez, ça fait le petit morceau que j'ai passé tout à l'heure. Là, en l'occurrence, ça permet de visualiser, par exemple, cet exemple de chant diphonique de Russie, de République Touva. Etc. On a donc, ça c'est le outil pour décrire le son du point de vue acoustique. Maintenant, ces dimensions que j'ai énumérées, qu'on retrouve dans ce type de représentation, sont un petit peu, entre ça et la sensation musicale, et la manière dont les gens parlent de la musique, il y a un saut qu'on peut essayer de faire, un vide qu'on peut essayer de franchir, donc de passer de ces dimensions de fréquence, forme d'onde, composante spectrale, à la description qu'on donne les auditeurs, par exemple, dans cette tradition et d'autres traditions voisines, il y a l'évocation, disent que ce genre de chant a une évocation des éléments naturels, des cours d'eau, des oiseaux, etc. On peut essayer de voir comment on pourrait passer de ça à ce type d'évocation. Mais c'est toujours extrêmement spéculatif et en fait extrêmement difficile et imprédictible. C'est-à-dire que si vous avez une représentation comme ça, vous ne pouvez pas prédire comment les gens vont l'interpréter musicalement. Alors en musique, déjà en musique en fait, à la base du vocabulaire musical, il y a des traductions de ces paramètres que je viens d'évoquer, qui sont des paramètres acoustiques, mais qui sont un petit peu différents. C'est ceux qu'on va retrouver dans une transcription musicale, dans la notation musicale. Alors là, c'est l'exemple de la notation musicale qui s'est développée en Occident. Il y en a d'autres dans le monde qui captent plus ou moins les mêmes choses. La notation occidentale est une des celles qui est le plus développée en précision prescriptive. Donc là, vous avez... En gros, on code quelque chose qui est comme l'équivalent de la fréquence, mais qu'on va appeler hauteur, dans la hauteur des notes sur la portée, des durées par les amps des notes. Le timbre, on le laisse un peu de côté, mais parfois on peut avoir des indications ou des signes spéciaux qui marquent le timbre. Des indications dynamiques aussi, que là on ne voit pas, mais qu'on a parfois. En gros, en musique, les dimensions reconnues de la musique pour les musiciens occidentaux, en tout cas, c'est hauteur, timbre, intensité, durée. Et je veux dire, même les plus avant-gardistes, c'est la liste de... C'est comme ça que John Cage définit la musique. Hauteur, intensité, timbre, durée. Enfin, c'est pas comme ça qu'il définit la musique, mais ce sont les briques de base, selon lui, de toute la musique. Maintenant, l'objectif de ces notations et l'objectif de tout ce vocabulaire de hauteur, timbre, intensité, durée, c'est de donner des indications aux musiciens. Mais ces éléments ne rendent pas compte de l'écoute musicale telle qu'elle est vécue par les auditeurs et par les musiciens en tant qu'ils interprètent la partition. Cette part d'interprétation, ce qui permet l'interprétation musicale, donc des aménagements, si vous voulez, par rapport à la prescription, ce sont des entités d'un autre ordre. Alors on peut toujours ajouter des signes sur une transcription. Par exemple, ici, j'avais essayé de visualiser certains motifs qui se répètent à différents endroits. Et ces motifs-là sont importants aussi bien pour les musiciens. En fait, la structure de la pièce pour les musiciens, ce n'est pas des notes qui s'enchaînent. Ce sont des motifs qui se répètent de différentes manières et qui se répondent de différentes manières. Et c'est également important pour les auditeurs qui appréhendent ce genre de morceaux comme un tout structuré, pas comme une chaîne de notes. Pour montrer cette structure-là, déjà, on a besoin de rajouter des choses, et donc de rajouter des entités, c'est les motifs en l'occurrence. Et pour ajouter ces choses, il faut justement répondre à la question de quoi la musique est-elle faite, au fond. Dans un texte de 2007, Andrew Kanya définit l'ontologie musicale comme, je l'ai mis en anglais, dans l'original, « Musical ontology is the study of the kinds of musical things there are and the relations that hold between them ». Et c'est un peu en ce sens que je vais prendre aussi la question de l'ontologie de la musique. Donc on a besoin, les éléments que nous donne l'acoustique ou même la musicologie de base ne nous permettent pas de répondre directement à cette question. Quelle chose musicale il y a et quelle relation il y a entre elles. C'est un autre chapitre. Alors, dans cet article, qui est assez intéressant, qui passe en revue, en fait, différents travaux dans ce domaine, donc c'est un article d'encyclopédie, le compte-rendu qu'on donne Kanya montre que l'essentiel des travaux sous ce chapitre parle, en fait, d'autres choses, parle de différentes choses, donc comme la notion d'œuvre, comme la justesse de la performance. Et donc, par exemple, on va se demander, du point de vue ontologique, qu'est-ce qui constitue l'œuvre, comment l'œuvre existe, comment elle existe dans l'abstrait, dans la représentation, dans la traduction concrète qu'on donne des musiciens qui la jouent, etc. Alors, ça, c'est pas exactement ce qui va m'intéresser aujourd'hui, pour différentes raisons. La principale étant que ces questions, pour la plupart, font sens seulement dans une certaine tradition, celle de la musique classique occidentale, où il y a des œuvres. Où il y a des interprétations qui se rapportent à des œuvres, ça c'est directement lié au fait qu'il existe des écrits et que ces écrits ont une certaine importance. Des notions comme celle de justesse font sens, alors que dans d'autres traditions musicales, c'est pas du tout, etc. Le problème se pose. Et donc, par rapport à ce qui est habituellement discuté en philosophie sous le chapitre ontologie de la musique, moi ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui est comme une sorte d'appendice, c'est ce qui apparaît comme a third topic of ontological discussion dans le compte-rendu qu'on donne Kanya et qui est en fait très peu développé d'après lui. So, the third topic of ontological discussion is the nature of the elements of musical works such as melodies, harmonies and rhythms and how they come together to form complex wholes. Alors, c'est à peu près dans cette voie que s'inscrivent les questions dont je vous propose de discuter aujourd'hui. Sauf que je voudrais adopter la perspective d'un auditeur réellement immergé dans une expérience musicale. Et un tel auditeur n'est pas confronté à des rythmes, des harmonies ou des mélodies. Ce n'est pas ça qu'on perçoit directement. Les éléments qu'il perçoit, qui forment le monde dans lequel il se plonge, sont d'une autre nature. Ce sont, je prends des exemples, hein, ça peut être des courbes, des couleurs, des êtres sonores. Je vais en donner des exemples plus concrets, plus ethnographiques dans un instant. Et ces entités, donc ces courbes, couleurs, êtres sonores, existent d'une manière particulière. Leur statut ontique n'est ni tout à fait celui de la réalité physique, ni celui des êtres de fiction. Et c'est ça que je vous propose de discuter aujourd'hui. On pourrait dire en première approche que la musique propose à l'auditeur un enfantement du sonore. Par rapport au sonore, si on prend le sonore dans le sens de l'acoustique tel qu'on l'a vu, fréquence, durée, timbre, la musique est déjà un niveau d'enfantement. Enchantement dans le sens d'Alfred Gell, Alfred Gell parle de technique d'enfantement. Pour résumer, les techniques d'enchantement se distinguent des techniques de production, d'après Gell, en ce qu'elles ne modifient pas directement l'état du monde. Donc c'est différent d'une technique d'un marteau, par exemple, avec lequel vous allez taper sur un objet pour l'aplatir, donc modifier cet objet. Les techniques d'enchantement modifient la manière dont le monde est perçu. Et dans ces techniques d'enchantement, Gell place aussi bien des choses comme des pièges, par exemple, donc des leurres, des choses qui font croire quelque chose d'autre qu'à ce qui est, que des procédés magiques ou des objets artistiques, qu'on appellerait artistiques en Occident. Donc la musique, de ce point de vue, est une technique d'enchantement, en ce sens qu'elle modifie notre rapport au monde. Ça, je pense que c'est une hypothèse assez intuitive, donc je ne vais pas y passer beaucoup de temps aujourd'hui. C'est une hypothèse assez intuitive, au fond, et qu'on peut aisément vérifier de manière empirique. Quand vous écoutez de la musique, il y a quelque chose qui change. Vous sortez, vous prenez le RER, vous mettez le casque sur les oreilles, et le monde autour prend un autre sens, une autre dimension. L'action devient différente. Et on peut le faire aussi à l'inverse, vous pouvez regarder une vidéo de gens qui dansent dans une fête, vous coupez le son et ça a l'air complètement absurde, toutes les interactions semblent absurdes alors qu'elles sont parfaitement logiques intuitivement avec lorsqu'on a la bande son. Bon, ça c'est des vérifications un peu grossières de cette hypothèse, mais je pense que ça, on peut s'accorder assez facilement dessus, la musique modifie notre rapport au monde. Mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ce dont je propose de discuter, c'est que la musique est aussi en elle-même un monde enchanté. Enchanté toujours au sens de Djel. C'est un monde où existent des entités dont le statut ontique est tout à fait particulier. Le support de ces entités, c'est le son. Mais si le son a la dimension que lui reconnaît l'acoustique, qu'on a vu tout à l'heure, ou la musicologie classique, alors ces entités musicales ne peuvent pas être à proprement parler sonores. Je vais vous en donner quelques exemples. Il y a tout d'abord la question de l'animisme musical. Alors ça, c'est un exemple que certains d'entre vous connaissent probablement déjà, qui est assez célèbre en fait en ce domaine. Une citation de Proust. D'un rythme lent, et le diriger ici d'abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, intelligible et précis. Et tout d'un coup, au point où elle était arrivée et d'où il se préparait à la suivre, après une pause d'un instant, brusquement, elle changeait de direction et d'un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l'entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut. Il souhaita passionnément la revoir une troisième fois. À moins de savoir que « elle » est une phrase mélodique, rien ne permet vraiment de la distinguer des autres personnages du roman. Et sur Swan, du moins, elle a cette phrase a une capacité d'action comparable à celle des humains qui peuplent le roman. On n'est pas là dans une forme de communication entre le musicien, celui qui interprète la sonate ou celui qui l'a composée, et l'auditeur. Parce que tous deux sont périphériques dans cette interaction. C'est une interaction entre un humain et une entité non humaine qui apparaît à l'auditeur comme un agent à part entière. Pour Swan, ni Vinteuil, le compositeur, ni les différents pianistes qui exécutent la mélodie au fil du roman ne comptent vraiment. Il est en relation directe avec cet être sonore. Alors bien sûr, Proust est un écrivain de fiction et l'interaction qu'il décrit est imaginaire. Mais nous, lecteurs, ne le sommes pas. Et si nous comprenons intuitivement ce qu'éprouve Swan là-dedans, si ce passage fait sens pour nous, si on arrive à projeter quelque chose, c'est parce que la description de Proust renvoie à des expériences, au fond, assez courantes de la musique. Peut-être que Proust a une manière extrêmement précise de décrire ce type d'interaction. Sans doute les mots qu'il emploie lui sont tout à fait propres, mais l'expérience d'un certain animisme musical est, au fond, assez banale. C'est ce qu'on trouve aussi, de façon tout à fait beaucoup plus terre-à-terre, lorsque nous disons qu'une mélodie est gaie, triste ou dansante. On peut vouloir dire qu'une mélodie est gaie et entendre par là que c'est le musicien qui joue qui est gaie et que sa gaieté se transforme en son et que nous percevons ces sons et que nous les reportons sur le musicien. Mais en général, le plus souvent, cette gaieté semble émaner de la musique elle-même. Et nous pouvons ne rien savoir du musicien, ne pas du tout nous le représenter et sentir quand même que la musique émane quelque chose qui normalement émane d'un agent animé. ou le mouvement. Prenons un autre exemple, le mouvement qui se communique, vous entendez une musique dansante et ça vous donne envie de danser, donc il y a quelque chose qui vient de la musique et qui se propage. Cette qualité, on a tendance à la situer dans la musique. Et alors, après, bon, en faisant une ethnographie un petit peu plus précise, mais là j'ai choisi d'enlever ce chapitre-là, mais c'est quelque chose que j'avais suivi en Roumanie, où les musiciens professionnels tziganes jouent pour des auditeurs souvent non tziganes, et où il ne doit pas y avoir trop de communication entre eux, en fait. C'est-à-dire qu'en principe, les auditeurs ne veulent pas être mus par les sentiments des musiciens. Ils veulent être mus par une musique que les musiciens réalisent en tant que techniciens. C'est-à-dire que les musiciens sont capables de rendre de façon extrêmement vivace le caractère dansant, gai, triste, etc. d'une mélodie, mais tous les musiciens disent qu'ils n'ont pas besoin eux-mêmes de ressentir ces sentiments pour faire naître ces émotions. Les émotions sont dans la musique, en fait. Et eux, simplement, en tant que techniciens, ils réalisent de façon aussi efficace que possible les mélodies qu'ils jouent. Mais comme je vous disais, donc je passe un petit peu vite là-dessus. J'espère que ça vous parle à peu près, enfin que vous êtes à peu près d'accord sur l'idée que, en fait, une certaine part d'animisme musical est assez banale dans le monde européen occidental. Alors bien sûr, si on va ailleurs dans le monde, on va retrouver ça, et on va retrouver ça encore, peut-être de façon encore plus claire. Si Swann peut percevoir la petite phrase de la sonate comme un agent autonome, et si nous comprenons intuitivement cela, et si nous comprenons aussi comment une mélodie peut être gaie et mouvementée en elle-même, on comprend aussi comment, ailleurs dans le monde, des divinités, par exemple, peuvent s'incarner dans des airs musicaux et posséder des humains. C'est toute la question de la musique de possession, en fait. Alors, je vous ai pris un exemple parmi d'autres, qui est un bon exemple, vient des travaux de Nicolas Prévost sur le culte de possession au Bastar en Inde centrale. Dans ce culte, il y a des musiciens qui sont spécialistes d'une musique au travers de laquelle des divinités viennent s'incarner dans des humains. C'est même pas tout à fait un culte, en fait. J'ai employé le mot culte, mais il n'est pas forcément correct. Ce qui se passe là, c'est une fête. C'est une fête, un grand marché. Et dans ce grand marché, qui fait un peu fête foraine en même temps, il y a un moment où les divinités viennent et viennent participer à la fête. C'est pas un culte au sens où on les vénérerait d'une certaine manière. Simplement, il s'agit de leur donner l'occasion de venir elles aussi participer et se réjouir dans le monde des humains. Et pour cela, donc, il y a des médiums qui incorporent ces divinités. Des médiums qui sont des gens, bon, ils ont des parcours variés, mais c'est des gens un peu comme tout le monde, si on peut dire. Tout le monde n'est pas médium, mais n'importe qui peut être choisi par une divinité pour lui servir régulièrement de réceptacle. Et puis les musiciens, qui eux ne sont pas sont en dehors de la possession, mais qui jouent des mélodies. Mélodies qui font rentrer les médiums en transe, qui font que la divinité s'incorpore dans les médiums, mais mélodies qui sont également directement des divinités. C'est-à-dire que la plupart des divinités ont des airs spécifiques, et on va voir un petit extrait vidéo dans un instant. Les divinités ont un air spécifique, et les médiums sont déjà dans un état un peu second, se présentent devant les musiciens pour demander l'air de leur divinité. En principe, les musiciens savent à peu près de qui il s'agit. Et quand ils ne savent pas, ils essayent plusieurs possibilités. Et puis quand ils ont trouvé la bonne possibilité, à ce moment-là, le médium passe dans un autre état, où il devient beaucoup plus agité. Il fait des choses qui normalement sont impossibles ou qui sont très douloureuses. Par exemple, il se flagelle avec des gros clous et il s'empale sur des pieux en acier, des choses comme ça. Ce qui manifeste donc la présence de la divinité. Donc lui, il n'est plus là. Il ne se souviendra plus de rien d'ailleurs après. C'est la divinité en fait qui est là dans son corps. Mais ce qui se passe aussi, d'après les musiciens et d'après les médiums aussi, c'est que la divinité n'est pas distincte de l'air qui est joué. La divinité entre dans le médium par la musique, directement. La musique n'est pas une référence à une divinité qui serait ailleurs, l'air de la divinité est à la fois une forme d'offrande à la divinité et la divinité elle-même. C'est le genre de raccourci, ça c'est un genre de raccourci ontologique qu'on retrouve souvent dans les cultes de possession et très souvent en Inde, c'est-à-dire des objets qui sont à la fois une représentation de la divinité, une offrande à la divinité et la divinité elle-même. En l'occurrence, il s'agit d'une mélodie. On va donc regarder une petite vidéo. Il n'est pas très facile d'identifier le changement d'air musical quand on n'est pas familier de ce système, mais peut-être vous verrez que cette interaction où les médiums se présentent, ils lèvent une main comme ça, puis là il y a quelque chose qui change dans la musique et le médium, au moment où ça change, va un petit peu plus loin, rentre dans un autre état. Puis vous verrez aussi, c'est un peu à part, mais c'est quand même intéressant, qu'il n'y a pas que les humains qui peuvent être possédés par une divinité ici. Il y a aussi des objets. Il y a des grandes perches et des espèces de palanquins que les gens portent. Mais les gens qui les portent, ces objets, ne rentrent pas en transe, ne sont pas possédés. Ce sont les objets qui sont possédés et les objets qui intiment aux gens qui les portent l'impulsion de se mouvoir et d'agir d'une certaine manière. Et c'est pour ça aussi il y a des mélodies. Ça après la description de Swan avec l'hypothèse que au fond c'est pas forcément quelque chose de très différent qui se passe, c'est-à-dire qu'on a dans les deux cas un être sonore. Ce qui est différent là, c'est que l'être sonore en fait qui est une divinité prend complètement possession de ces auditeurs un peu particuliers que sont les médiums. C'est-à-dire que le genre de mouvement qu'on voyait avec Swann, elle le dirigeait ici d'abord, puis là, puis ailleurs, etc. C'est un mouvement qui est intimé de façon beaucoup plus directe dans cette interaction. Mais qu'au fond, les deux types d'audition soulèvent une question similaire, c'est comment ces êtres existent dans le son. Je vais donner d'autres exemples comme ça, et puis après, quelques pistes d'analyse. On va chez les Shipibo Conibo de la rivière Ucayali, au Pérou. Chez les Shipibo Conibo, il y a des médicos, des chamans. On appellerait ça des chamans, mais eux, ça s'appelle des médecins spécialistes. Ce sont des spécialistes qui peuvent changer de perspective au sens de Viveros de Castro. Avant Viveros de Castro, qui se transformait, en fait, eux-mêmes peuvent dire les choses de cette manière. C'est-à-dire qu'ils prennent la perspective du singe hurleur, de l'anaconda, de la tortue, d'esprits qui n'ont pas de forme physique précise. Et ils utilisent cette capacité pour trouver des solutions à divers problèmes qui se posent à ceux qui viennent les voir, des problèmes notamment de santé. Ce qu'explore Bernd Brabeck de Mory, donc je m'appuie sur ses travaux pour ce chapitre, dans sa thèse et dans plusieurs articles sur les pratiques de guérison des médicos Shipibo Conibo, c'est le fait que dans un rituel, le principal signe du changement de perspective du médico est sonore. Et non seulement le son est un changement, signale le changement de perspective pour ceux qui l'écoutent, signale cette espèce de transformation qui s'opère. Vous l'avez dans le titre là par exemple de l'article: Ethnomusicological and Indigenous Explanation of Song-Induced Transformative Processes in Western Amazonia. Donc la transformation, il est évident dans un système perspectiviste de toute façon que la transformation ne va pas forcément nécessairement être une transformation physique, c'est-à-dire que le médecin ne se transforme pas en jaguar, mais par le chant et par une certaine transformation vocale qu'on va écouter dans un instant, il signale qu'il y a eu un changement, quelque chose de différent se passe. Ce qui se passe, c'est lui-même qui change de perspective, mais aussi d'autres entités qui s'expriment à travers lui. Non pas à la façon de la possession qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire qu'il ne remplace pas la gentilité du médecin, il ne se substitue pas à lui, il est parfaitement conscient, le médico, il est parfaitement conscient, il se souvient de tout ce qui s'est passé après, mais d'une certaine manière, il prête sa voix pour que d'autres entités s'expriment à travers elle. Il se passe aussi autre chose qui est, non seulement ça signale la transformation, mais ça installe aussi, la voix installe un autre espace-temps dans lequel donc ces différentes entités peuvent apparaître et dans lequel elles deviennent aussi, dans lequel l'efficacité, leur agentivité peut s'exprimer. J'y reviens dans un instant. Alors on peut écouter pour voir la différence. Il y a une différence qu'on entend en fait dans la voix des médicaux entre une chanson normale, donc la même personne qui chante une chanson normale, une chanson d'amour. And non-magic. Pardon, je ne sais pas pourquoi ça essaie de s'ouvrir avec ça, mais on va l'ouvrir avec VLC. Donc ça c'est dans le chant normal, le chant magique. Thank you. La différence est ce qu'on appellerait la voix de fossé, en tout cas une voix de tête très aiguë, et puis une espèce de coup d'impulsion vocale qu'on entendait à la fin. Ça, ça manifeste que la voix est chargée. La voix est chargée d'autre chose. Ce n'est pas juste la voix normale du médecin, c'est la voix est chargée d'une puissance. Une puissance qui peut, selon les cas, être attribuée à des entités, à d'autres entités. Et comme je vous disais, le chant n'est pas simplement une manière de changer de perspective ou de manifester qu'un tel changement s'est opéré. Il est aussi le cadre dans lequel l'action du médico et de ses alliés devient efficace sur le patient. Il y a un concept vernaculaire qui est celui de canaux, que Bern traduit par voix, atmosphère ou paysage. La voix du médecin installe une voie, VOIE, donc un chemin, une atmosphère ou un paysage dans lequel ces différentes agentivités peuvent apparaître et dans lequel aussi le patient peut se projeter. Pour le patient, ce qui se passe nécessite toujours une part d'imagination parce que à partir du moment où la voix est chargée, comme on a entendu, les paroles deviennent difficilement compréhensibles. D'une part, par les différents mécanismes de la mise en chant, si on peut dire, c'est-à-dire des allongements, des voyelles, des répétitions, le timbre un peu particulier, mais aussi parce que il y a plusieurs interlocuteurs. Donc le principe global d'une cure, c'est on raconte en fait une action, c'est une narration. Le médecin dit voilà, alors je vais voir mon ami l'esprit untel, et puis je vais voir l'esprit untel, et puis ensemble on va voir la cause du mal, on découvre que la cause du mal c'est l'esprit untel, donc on va négocier avec lui, on lui dit ça, il nous répond ça, puis on va se battre, et puis etc. Et toute cette narration, en fait, elle n'est pas comme je viens de la faire, c'est-à-dire dans la perspective du jeu, l'énonciateur change plusieurs fois. Et ces changements d'énonciateur ne sont pas vraiment contrôlés par le médecin de manière à faire que l'auditeur suive vraiment. C'est-à-dire notamment tous les déictiques, je, tu, il, maintenant, tout à l'heure, avant, etc. Tout ça, ça flotte. Et ça flotte un peu délibérément parce qu'il y a des considérations. On ne devrait pas trop comprendre en fait ce qui se passe pour des questions de parce que c'est dangereux, disent les médecins. Et donc ils ne sont pas très explicites dans ce qu'ils disent. Du coup, pour l'auditeur, il y a toujours une part de. On comprend à moitié, mais à moitié il faut se plonger aussi dedans et essayer de reconstituer par l'imagination. L'action. Ce travail de l'imagination, je pense qu'il est essentiel, en fait, pour l'expérience musicale en général. Donc on va y revenir un petit peu plus loin. C'est ce qui, de diverses manières, distingue l'expérience musicale de la simple perception. C'est ce qui permet de construire ce monde un petit peu suspendu. Il y a un travail de l'imagination ou de l'imaginaire. Mais en disant ces termes, bien sûr, il faut être assez prudent. Donc, je vais y revenir un petit peu plus tard. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, ce n'est pas de la musique, ce qu'on a entendu. Ce n'est pas du chant. C'est de la parole, mais de la parole chargée de pouvoir, de la voix chargée d'efficacité. Et cette parole-là demande une part d'investissement de l'auditeur pour être suivie. On revient en Europe, mais assez loin du salon des Verdurins. Je sais pas, ça veut tourner, donc ça tourne. Dans les free parties. Bon, dans les free parties. Pour ceux qui ne le savent pas, les humains qui produisent le son sont totalement périphériques. En général, vous avez le schéma classique, c'est un mur de son, tout le monde est tourné vers le mur de son, et le musicien qui joue, le DJ, ou s'il y a un live, il a un sampler, il est parfois là, mais parfois, très souvent, il est soit derrière, soit sur le côté, C'est pas du tout vers le musicien que les gens se tournent. Ils se tournent vers le son. Et un son qui est central, personnifié dans les commentaires et les attitudes des participants, ce qui se manifeste, entre autres, par une sorte de vénération de l'enceinte. J'aime bien cette expression, c'est de Guillaume Kosmicki dans l'article que j'ai mis là. On va avoir une vidéo tout à l'heure, enfin des vidéos. C'est vraiment ce mouvement de rapport direct avec l'enceinte, et bien sûr, au-delà de l'enceinte, qui n'est qu'un objet, avec le son qui en est marqué. Alors, vous donnez deux exemples qui, à première vue, peuvent être semblables, mais qui, en fait, sont assez différents. On va voir pourquoi. Le premier, donc, c'est un tempo assez lent. La musique est structurée en montée, avec de grands balayages de filtres. C'est quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on appelle la trance. En fait, c'est un des gens... c'est pas exactement de la trance, mais c'est dans le monde des free parties, c'est plutôt du côté de la trance que du côté hardcore, disons. On va entendre du hardcore aussi. Et vous allez voir, là, les danseurs forment une sorte de corps collectif. C'est-à-dire tout le monde saute en même temps. Tout le monde s'arrête en même temps aussi, lorsqu'on arrive à un niveau, un plateau comme ça. Et qu'on va contraster donc avec l'autre exemple. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné sur ces enceintes. Une surprise. La vénération de l'enceinte est extrêmement bien choisie pour. Là, vous avez la montée qui commence. On est sur une sorte de palier, ça continue à monter. J'arrête là. La question est bien sûr, on va voir tout de suite un autre exemple un peu contrasté, mais en fait, ce que je trouve fascinant en fait dans ces situations musicales, c'est que c'est des situations de rapport assez direct. Les gens cherchent un rapport assez direct avec le son, enfin, c'est manifeste dans la façon dont ils vivent. Et un son qui est. C'est difficile de caractériser. Avec quoi ils sont en rapport? Dans quel monde ils vivent? Dans quel type d'espace-temps? Avec quel type d'entité ils interagissent? Là, les gens interagissent un petit peu les uns avec les autres, dans la mesure où il y a cette espèce de corps collectif, mais tout ce corps collectif est tourné vers le mur de son, duquel émane quelque chose. Quelque chose qui est un petit peu comme une injonction, en l'occurrence, c'est-à-dire il y a un effet entraînant, dans la mesure où il y a ces montées continues, montées que tout le monde ressent et qui sont extrêmement claires pour tout le monde. Maintenant, un autre genre, un plus hardcore, avec un tout autre type d'ambiance. Donc le tempo est beaucoup plus rapide, il n'y a pas vraiment de montée, il y a plutôt une sorte de continuité, de très long cours, un temps long du beat et de la basse, dans lequel apparaissent et disparaissent des sons plus petits dans les couches supérieures. Les auditeurs dansent ou pas, chacun à sa manière, il n'y a plus cette espèce de corps collectif, tout le monde est encore tourné vers les enceintes. Mais il n'y a plus la pulsation commune comme ça. Donc c'est assez minimal hein, comme hardcore là. C'est une petite clé d'écoute. On va voir un moment de transition dans le set. Donc dans la première partie, la basse accentuait le temps. Et après la transition, donc il y a une transition et tout le monde, la musique s'arrête, flotte un peu comme ça, mais il n'y a pas eu de montée vraiment pour y arriver. Contrairement, il n'y a pas eu quelque chose, un balayage de filtre ou une espèce de sirène qui monte. Juste ça s'arrête d'une certaine manière, tout le monde se met à crier, allez, allez, et ça repart, mais ça repart inversé, c'est-à-dire que cette fois la basse est sur le contre-temps. Et ça, enfin, si là on ne va pas forcément se rendre compte en l'écoutant comme ça. Ni sur ces enceintes, ni dans cette situation, et surtout pas en écoutant un petit bout comme ça. Mais si vous prenez le temps d'installer un monde dans lequel l'accent est mis sur le temps, avec la basse qui est là, forte sur le temps, vous prenez le temps de l'installer pendant une demi-heure, une heure, et après vous changez ça, vous mettez la basse sur le contre-temps, ça fait un effet de renversement, de changement de perspective assez fort. C'est-à-dire que les repères des danseurs se trouvent renversés par un procédé assez simple, mais l'impression que le monde s'est renversé est assez assez inévitable, disons. Alors là, je pourrais rester. C'est assez fascinant en fait de regarder ce que les gens font sur cette musique-là, enfin, comment ils se rapportent, comment ils vivent dans ce truc-là, et du coup d'essayer d'imaginer à partir de là dans quel monde ils vivent. Enfin. Bon, alors voilà par exemple une teufeuse, grande teufeuse, citée par Josie, donc Josie citée par Guillaume Kosmicki. Dans son ouvrage Free Party, une histoire des histoires, c'est une mine d'informations et de témoignages sur l'univers de Free Party. Je déteste la trance. Ah putain, ça me porte sur le système. C'est une musique qui promet tout et qui ne donne rien. Bidi bidi bidi, poète poète poète, de grandes montées qui n'arrivent nulle part. Ah, je déteste. Donc c'est plutôt le premier genre qu'on a vu. Moi, j'aime le tribal, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. La musique, c'est un code. C'est 1, 2, 3, 4. Les mesures, il faut les marquer. Il faut le rythme de base. Après, tu rajoutes ce que tu veux. Tu vois ce que tu peux faire, mais il faut vraiment une base rythmique sérieuse. C'est là où je dis qu'il faut que ce soit core, hardcore, housecore, technocore, ce que tu veux, mais core avec un pied tribal. J'aime vraiment la musique de dance floor qui te fait entrer en transe. pour moi, c'est une célébration. C'est un peu comme une grande messe ou une grande réunion où chacun prierait son propre Dieu. Tu peux trouver ce que tu veux là-dedans, l'interpréter comme tu veux. Tu es libre. Free, c'était ça. C'était pas une histoire d'argent. Ça veut dire libre. Franchement, tu peux rajouter ce que tu veux, faire ce que tu veux, alors que toutes les autres musiques sont ultra codées. Le rock m'a cassé les pieds. Chaque riff de guitare est prévisible. Avec la techno, tu étais quand même étonné. Alors, vous pouvez remarquer la personnalisation morale de la musique, la trance qui promet tout et ne donne rien. Donc c'est toujours encore dans un rapport comme ça où la musique promet des choses, ne les donne pas, donne une liberté ou ne la donne pas. Mais surtout, cet aspect-là moral n'est pas anodin parce qu'en fait, dans les années 90, surtout, le mouvement des free parties n'était pas qu'un mouvement musical, c'est pas qu'une question d'esthétique musicale, c'est un mouvement des idées alternatives sur la société, sur la manière de s'y insérer ou pas, etc. Donc, la musique, cette question de donner, de promettre de recevoir, de donner ou pas vraiment, est représentative la moralisation de la musique aller avec des valeurs morales qui étaient défendues au moins dans les années 90 par pas mal d'acteurs de ce mouvement. Et par ailleurs, l'idée que la techno est une musique imprévisible, ce qui apparaît là à la fin de cet entretien, est à l'exact opposé de ce qu'en disent ses détracteurs. Pour ses détracteurs, c'est du boum-boum régulier, binaire, absolument réglé, sans fantaisie et sans surprise. Si vous avez déjà lu des critiques de la techno, et vous-même vous n'aimez pas ça, vous avez probablement ce genre de critique. Mais, vous voyez, dans la description qu'en donne Josie, cet aspect, en fait, le boum-boum, n'est que le rythme de base, ce qui code la musique, ou ce qui la centre, c'est l'idée de corps, le centre. Et c'est le point de fuite, ou le point de repère de la musique. C'est ce qui permet de focaliser sur d'autres choses. Ces choses, elles sont en partie dans la musique. Mais Josie évoque aussi une forme de transcendance, quelque chose qui n'est pas entièrement là et qu'on va chercher activement, un peu comme on va chercher Dieu dans un temple. Ce n'est pas la musique qui emmène à ça. Le hardcore et compagnie s'opposent en cela à la trance, dans la description qu'il en donne. La trance essaye, promet d'emmener quelque part, le hardcore n'emmène nulle part en fait. Il n'est pas construit sur un principe de mouvement, le hardcore. Il n'y a pas cet enchaînement de montée notamment. C'est plus statique. Et c'est là plutôt comme une sorte d'architecture, une musique qui n'emmène nulle part. Et d'ailleurs, bien qu'on parle de dance floor, la danse est souvent représentée que sous des formes assez minimalistes, en fait, dans le hardcore et hardtech, etc. Un autre tuffer cité, page 104, de l'ouvrage de Guillaume Kosmicki, dit « C'est rigolo, je ne dansais jamais avant. En même temps, c'est un bien grand mot, c'est spécial comme danse. Il y a bien des gens qui font des choses hyper esthétiques, mais sinon c'est très basique. » En général, quand je me mettais devant un mur de son, je mettais les mains dans mes poches et je fermais les yeux, et puis je bougeais un peu les jambes, basta. On ne peut pas appeler ça vraiment danser. On bouge un peu sur le rythme de la musique. Ce n'était jamais très expressif pour moi. Donc c'est vraiment pas... On est à l'opposé du principe de mouvement, en fait, et de... une situation donc, d'écoute intériorisée. Et ça peut paraître paradoxal, mais en fait, c'est une des situations où on écoute la musique, où les gens ont une écoute extrêmement attentive, un peu comme dans la musique classique, mais il n'y en a pas énormément en fait dans nos sociétés des moments où les gens écoutent la musique avec autant d'attention, c'est-à-dire sans regarder, sans avoir un visuel. Parce que quand vous allez dans un concert, vous attendez à voir quelque chose sur scène, le musicien fasse quelque chose. Là, les gens ils sont devant le mur de son pendant des heures et les mains dans les poches, les yeux fermés, et ils écoutent un truc extrêmement basique et qui est fait là encore, un peu comme dans d'autres exemples qu'on a vus, qui incite à une participation active et donne cette liberté que d'autres genres musicaux ne donnent pas, la liberté d'y mettre ce qu'on veut. Et en fait, dans d'autres commentaires d'amateurs de techno, de ce genre de techno, il y a l'idée que dans le rock, le reggae, ces autres genres qu'on peut écouter un peu au même âge, si on peut dire, ou dans les fêtes, il y a des couleurs émotionnelles claires. Il y a la musique est gaie ou elle est triste, il y a les paroles qui disent des choses. Et là, en fait, vous êtes devant une totale liberté, une architecture extrêmement minimale, une totale liberté dans laquelle vous pouvez évoluer comme vous voulez. Mais là, il y a encore cette question ontologique de qu'est-ce qui existe, du coup, qu'est-ce que c'est que cette architecture-là, comment elle se présente à nous et comment est-ce qu'on y évolue. Et si vous dites, bah, si vous décrivez ce genre de musique par son rythme ou par ses notes, ou par ce, vous prenez des catégories musicologiques ou acoustiques pour la décrire, vous arrivez à l'idée que c'est du boom boom, parce qu'effectivement, pendant des heures, c'est boom boom boom boom boom et enfin boom boom boom boom, etc. Il y a juste le contretemps avec des petites choses. Mais ce qui se passe en fait, c'est que ce boom boom, c'est juste la base, c'est juste le noyau, le cadre de base, et ensuite, il y a la tête dans les étoiles, c'est ce qui permet de mettre la tête dans les étoiles d'après les amateurs. Il y a ce niveau-là. Une des questions pourrait être, si vous voulez, une des questions que je me pose, c'est que sur un genre comme celui-là, vous avez des genres musicaux où les gens qui aiment une musique et les gens qui ne l'aiment pas s'entendent sur ce que cette musique est. Par exemple, vous pouvez aimer la musique romantique pour son expressivité, puis il y a d'autres gens qui peuvent ne pas aimer la musique romantique pour son expressivité, ils trouvent que c'est trop sirupeux, etc. Mais sur un genre comme celui-là, j'ai l'impression que les amateurs et les détracteurs n'entendent pas la même chose fondamentalement, et que le point de divergence est ontologique, c'est-à-dire que la place donnée au boum boum boum, par exemple le boum boum boum, vous pouvez le voir comme la répétition, comme un marteau qui vous tape sur la tête, à ce moment-là, en général, vous n'aimez pas trop. Ou vous pouvez le voir simplement comme des arbres qui passent le long de la route, et à ce moment-là, ça trace une voie, et vous avancez dans la voie, et le boum boum boum sert juste à rythmer le paysage, d'une certaine manière. Et là, à ce moment-là, vous êtes dans une démarche beaucoup plus de cheminement intérieur. Et ça, donc, c'est une question ontologique, de comment vous construisez le monde musical à partir du même donné sonore. Alors, j'en viens donc à quelques idées, un petit peu d'analyse, donc juste quelques exemples, et puis... Il est quelle heure? J'ai encore le temps de... 18h10. Oui, il y a un peu de temps. On peut peut-être allumer. Oui, peut-être, là on peut allumer parce qu'il y a pas de temps. Bon, je vous apprends rien. Nous vivons dans un système ontique à dominante naturaliste. Sur la typologie proposée par Philippe Descola. Système qui repose sur une dissociation de principes entre société et nature, entre humain et non-humain. Il n'empêche que nous passons tous par des moments animistes, toujours au sens de Descola, des moments où nous attribuons à des non-humains une intériorité comparable à la nôtre. Je pense que tout le monde est convaincu, donc je vais passer assez vite, mais vous pouvez prendre l'exemple des ordinateurs ou des voitures. J'ai une petite pub de voiture qui est particulièrement animiste, mais je vais passer là-dessus. Vous voyez tous comment on peut attribuer à un certain moment des intériorités. Pour la voiture, par exemple, elle ne veut pas démarrer ce matin, elle ne m'avait jamais fait ça auparavant, de lui donner un coup de pied dans la portière, caresser le capot, alors que vous savez très bien que c'est juste un amas de ferraille soumis aux lois de la mécanique, vous pouvez à un certain moment lui attribuer une intériorité. Bon, bien sûr, il ne faut pas toujours prendre les mots, par exemple ces expressions, au pied de la lettre. Mais en l'occurrence, ces mots s'inscrivent dans des systèmes de comportement globaux, et la pub, je vous la montre... la regarder quand même, parce qu'elle est marrante. La pub de... qui ne fait sens que parce qu'il est bien entendu qu'on peut avoir un rapport animiste avec une voiture. Je suis la vie. Je suis la beauté. Je suis la technologie. Je suis Giulietta, et je suis faite de la même matière qu'Hérère. Sans cœur, nous ne serions que des machines. Donc il est évident qu'on ne vend pas Giulietta comme un être sans cœur, hein, c'est un être doté de... c'est pas un cœur, mais quelque chose comme une intériorité, comme une capacité de dire « je », etc. Et bien sûr, c'est une fantasmagorie, mais c'est une fantasmagorie qui, en principe, fait sens et qui peut marcher parce que nous pouvons avoir... on voit comment on peut avoir un type de rapport animiste, au moins par moment. Alors, là-dedans, là, peut-être une des différences avec la... une des différences ou des pas différences, en fait, avec l'animisme. L'animisme est souvent décrit comme une forme de croyance. Les théories plus récentes commencent à ne plus trop faire appel à cette notion de croyance. Là, c'est évident qu'on n'est pas dans un régime de croyance. On ne croit pas que la voiture ou l'ordinateur ont une intériorité comparable à la nôtre, tout comme Swann ne croit pas que la petite phrase est un être effectivement personnifié. Mais du coup, enfin, ça soulève un peu la question de la métaphore, parce que c'est souvent du coup le terme de métaphore qui apparaît dans les descriptions de ce type d'interaction. Le terme de métaphore et en fait pour les ethnologues sont, si j'en reviens à la musique, c'est souvent difficile de savoir si ce que les auditeurs décrivent quand les auditeurs décrivent leur expérience musicale, s'ils emploient des métaphores ou s'ils attribuent réellement à des structures sonores des propriétés qui caractérisent habituellement les agents sociaux ou d'autres types d'objets. Par exemple, lorsqu'on a l'impression qu'un son est bleu, est-ce que c'est vraiment du bleu ou est-ce que c'est une métaphore? Lorsqu'on a l'impression qu'une mélodie est triste, est-ce qu'on est en train de vraiment dire que c'est triste ou c'est une métaphore? Il est difficile de répondre par oui ou par non, et ce pour deux raisons. D'une part, parce que comme dans l'exemple de la voiture, cette affaire de moment, de contexte et de perspective, ça change selon les moments. Et d'autre part, comme l'observe Andrew Kanner dans le même article que je citais au début, on voit mal, de toute façon, comment une expérience pourrait être métaphorique. Qu'est-ce que ça veut dire pour une expérience d'être métaphorique? Les auditeurs emploient des termes de mouvement, d'espace, d'intentionnalité, de couleur, de texture, etc., pour parler de l'expérience musicale. Et on sait que ces mots ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Voir un ciel bleu, par exemple, et entendre une note bleue, ce n'est pas la même chose. Même pour des gens en condition de synesthésie véritable, vous voyez ce que c'est la synesthésie? C'est le fait d'associer des sensations qui normalement sont perçues par des sens différents. Voilà. D'avoir une association forte, donc il y a des gens, pour la plupart des gens, ce genre d'association est sous le signe du pas vraiment. On sait que c'est pas vraiment bleu, mais c'est comme si c'était bleu. Il y a des gens pour qui c'est vraiment, ils ont la sensation de bleu lorsqu'ils entendent, par exemple, Ré mineur. En discutant avec une personne qui est en situation de synesthésie véritable, Oliver Sacks, dans son livre Musicophilia, raconte donc qu'il demandait à cette personne, donc d'accord, pour vous, Ré mineur, c'est bleu. Donc quand vous entendez Ré mineur, vous voyez du bleu. Et si vous écoutez un accord de Ré mineur en regardant un mur jaune, est-ce que vous voyez du vert? La réponse est non. Enfin, c'est assez évident. Ça confirme, la réponse est non. C'est-à-dire que les deux sensations de couleur sont également fortes pour cette personne, mais elles ne se mélangent pas, elles ne sont pas dans le même monde, dans le même ordre de réalité. Et c'est un peu la même chose qui se passe lorsqu'on sent du mouvement en musique, par exemple. Lorsque vous entendez un mouvement dans une sonate, mais vous savez pertinemment que la source sonore ne bouge pas. Le mouvement de cette sonate, qui se déroule dans un espace temps, parce que c'est la condition du mouvement, on a besoin d'un espace-temps pour qu'il y ait du mouvement, et cet espace-temps n'est pas celui où il y a le piano, c'est dans un autre ordre de réalité. Et c'est un peu de la même manière donc avec les couleurs, ça ne se mélange pas. Donc, quelque part, on sait que les mots ne doivent pas être pris tout à fait au pied de la lettre. C'est ces mots qui décrivent l'expérience musicale. Mais, d'un autre côté, donc on pourrait du coup être tenté de ranger le problème comme une simple figure de style. On dira que ce vocabulaire chromatique, par exemple, relève de la métaphore. Mais alors, il faut encore spécifier quel lien il y a entre cette métaphore et l'expérience vécue. Métaphore ou pas, comment la sensation de Ré majeur se lie-t-elle pour cette personne à l'expérience du bleu? Qu'est-ce qui est préservé dans le Ré majeur qu'il y a aussi dans le bleu? Comment Swan est-il entraîné par la petite phrase? Comment ce mouvement, cette sensation d'entraînement, qui est peut-être métaphorique, mais qu'est-ce qu'il y a d'entraînant dans cette mélodie? Qu'est-ce qui est conservé de l'entraînement ou du mouvement dans cette phrase musicale? Comment la voix du médico reflète un autre plan de réalité, etc. Donc c'est toute la question des modes d'existence de ces entités. C'est là que je voulais vous parler d'Étienne Souriau, mais j'ai peur que ce soit un petit peu assommant à cette heure-ci, et au point, après avoir le temps de temps. Je voulais vous en parler parce que bon, c'est l'un des auteurs qui, bien avant les anthropologues, avec une extrême prudence, a proposé une philosophie sérieusement animiste. Ce qui le conduit à faire cela est sa critique d'une certaine phénoménologie qui reste, selon lui, en dehors des phénomènes. On trouve ça dans les différents modes d'existence, page 116-117, où il explique en fait qu'une phénoménologie qui se focalise sur ce qui permet ou conditionne le phénomène perd l'essence du phénomène. Je ne sais pas si on lit tout ça ou si j'essaye de résumer. C'est pas facile de résumer Suryo totalement. Mais, en gros, ce qui me semble le plus intéressant, c'est là où il arrive à la fin de cette citation. Bon, allez, on y va. Car la dialectique phénoménologique met entre parenthèses le phénomène lui-même, dans sa présence réelle et son immédiateté, pour conserver et garder et regarder seulement ce que le phénomène implique et exige d'allant vers autre chose que lui-même. Si bien qu'une phénoménologie, en ce sens, c'est où l'on peut le moins chercher le phénomène. Il est vrai qu'on s'embarrasse bien l'esprit en disant « le phénomène implique, il appelle, il suppose, il n'existe pas indépendamment de ce qui l'entoure. De ce qui l'entoure, l'instruit tient à lui, et sans lequel il n'existerait pas. » Mais c'est là l'effet d'une pensée bâtarde, où l'on cherche le phénomène tout en sortant indûment. On suppose le phénomène anatomisé. Exsangue, on l'entoure de ses organes. Mais, là il y aurait un « mais » à mettre... Mais pour qui le prend dans sa vie, le phénomène pose à l'état phénoménal ses intentions et autres facteurs de réalité, ses vecteurs d'appétition, ses tendances vers l'autre. On peut les suivre en leur rayonnement tant qu'elles restent encore faites de l'étoffe du phénomène. Ainsi, le jeu est phénoménique non en tant qu'il est encore insuffisamment suivi en transcendance, mais en tant qu'il y a dans le phénomène quelques formes du jeu. Et c'est ça qui m'intéresse surtout, c'est cette idée qu'il y a dans le phénomène quelques formes du jeu. C'est une forme d'égoïté, une signature si l'on veut, au sens où le faire et le style intrinsèque d'un tableau peuvent être appelés la signature d'un maître. Ça c'est un passage, il y a d'autres passages comme ça dans Suryo, notamment lorsqu'il parle de l'œuvre d'art qu'il présente comme d'une façon quasi animiste, donc avec cette forme intrinsèque du jeu, cette forme d'égoïté, qui pour lui est la signature du phénomène, qu'on peut bien sûr mettre de côté, c'est-à-dire on peut regarder les conditions de possibilité du phénomène et les conditions de sa perception et de son apparition, mais l'essence du phénomène serait dans ces vections d'appétition et ces tendances vers l'autre. Et il se présente à celui qui le prend dans sa vie de cette manière. Bon, c'est une intuition qui parle ou pas, peut-être à un niveau large, philosophique, mais c'est assez utile, je crois, pour appréhender ce problème des êtres sonores et de leur qualité. Suryo dit aussi autre chose, en fait, tout de suite après ça, c'est que, en fait, un des problèmes, c'est qu'on raisonne souvent sur le phénomène à partir de la sensation, sur les phénomènes donnés par la perception. Mais en fait, il y a phénomène aussi dans des expériences abstraites de la pensée, dans les affects, tout ça. Il y a phénomène donc dans autre chose que ce qui est donné immédiatement par la sensation physique. Et c'est à partir de là qu'il faudrait raisonner, d'après lui, parce que c'est là que le phénomène se présente à l'état beaucoup plus pur que dans la sensation, où il est déjà engagé dans une construction complexe. En l'occurrence, dans le cas de la musique, les ethnologues restent souvent prisonniers de ce raisonnement par la sensation. C'est-à-dire que le schéma de pensée est à peu près le suivant. La musique est perçue par les oreilles, or les oreilles perçoivent des vibrations de l'air, et donc la musique est faite de vibrations de l'air. Mais en fait, c'est faux. En fait, c'est faux parce que le fait qu'on puisse avoir une audition intérieure, que vous puissiez avoir une mélodie qui tourne dans votre tête, montre bien que vous pouvez avoir une sensation musicale sans avoir une sensation physique. Et de la sorte, si en audition intérieure, vous pouvez aussi bien vous remémorer une mélodie qu'en être les victimes involontaires. C'est la rengaine qui revient sans qu'on le veuille. Donc, il y a une forme d'agentivité propre qui peut avoir cette mélodie, qui tourne sans qu'on le veuille. Et on peut aussi bien imaginer une mélodie qu'on n'a jamais entendue, donc qu'on n'a jamais perçue comme des vibrations de l'air. Tout cela montre que la sensation, ces entités musicales ne sont pas dépendantes directement du sonore. Il y a une différence entre percevoir une musique et l'imaginer, mais il y a au moins une part de l'expérience musicale qui peut se passer de sensations sonores. Donc c'est une raison pour laquelle chercher à détacher la musique forcément de ces paramètres acoustiques dont je vous parlais au début. Donc on n'est pas obligé de partir de... On n'est pas obligé de réduire l'équation à comment est-ce que ces êtres sonores que l'ethnographie nous donne, que les discussions avec les auditeurs nous donnent, comment est-ce qu'ils se traduisent dans des sonagrammes. ce type de raisonnement est limité et part d'une prémisse fausse qui est que ça doit se traduire dans le sonagramme. C'est faux parce que le sonagramme appartient à un ordre de réalité et les êtres sonores appartiennent à un autre ordre de réalité. C'est deux mondes complètement différents. En fait. J'essaie de dire de la même manière que le monde dans lequel le piano est immobile sur scène est différent du monde dans lequel vous entendez le mouvement de la sonate. Dans un cas, c'est un autre espace, c'est un autre temps. Et les deux communiquent d'une certaine manière qu'il faut déterminer, mais il ne faut pas partir de l'idée qu'il y a une correspondance simple entre l'un et l'autre. J'avais prévu une autre. Alors là, c'est écrit encore plus petit, mais c'est intéressant. Voici une autre référence intéressante pour penser cette question. Sartre, dans l'imaginaire, petit livre de 1940, donc il parle de l'image et de comment l'image est différente de la perception. Est-ce que c'est utile de lire ça? Il est quelle heure maintenant, s'il vous plaît? 18h23, mais sinon on a un peu de temps, on n'est pas presque. Un peu de temps, oui. On peut aller jusqu'à la nuit. Bon, alors, il faut encore deux minutes peut-être pour ça, et pour conclure, parce que ça donne aussi une idée. Donc Sartre ne parle pas vraiment de musique, il en parle un tout petit peu à la fin de ce livre, mais c'est... franchement, c'est pas extraordinaire. C'est plutôt sur... Enfin, c'est-à-dire qu'il rentre dans la question de l'existence de l'œuvre. C'est pas le plus... Mais le livre est extrêmement intéressant, en fait, si on le lit avec le problème de la musique en tête, ou de l'imaginaire en général en tête, ça porte sur l'imaginaire en général. Le livre est extrêmement intéressant, notamment pour la différence entre percevoir et imaginer. Donc, exemple, contemplation d'un portrait de Charles VIII aux offices de Florence. Sartre écrit « Je sais qu'il s'agit de Charles VIII, c'est-à-dire d'un mort. C'est là ce qui donne son sens à toute mon attitude présente. Mais d'autre part, ses lèvres sinueuses et sensuelles, ce front étroit, buté, provoquent directement en moi une certaine impression affective. Et cette impression s'adresse à ces lèvres-là, telles qu'elles sont sur le tableau. » Ainsi, ces lèvres ont une double fonction simultanée. D'une part, elles renvoient à des lèvres réelles, depuis longtemps en poussière, et ne prennent sens que par là. Mais, d'autre part, elles agissent directement sur ma sensibilité parce qu'elles sont un trompe-l'œil, parce que les taches colorées du tableau se donnent aux yeux comme un front, comme des lèvres. Finalement, ces deux fonctions se fondent et nous avons l'état imagé, c'est-à-dire que Charles VIII, disparu, est là devant nous. On le voit, le rapport que la conscience pose dans l'attitude imageante entre le portrait et l'original est proprement magique. Sartre a en fait toute une théorie des techniques d'enchantement bien avant l'heure. Cette idée de magie qui apparaît. Charles VIII est à la fois là-bas, dans le passé, et ici. Ici, à l'état de vie ralenti, avec une foule de déterminations en moins, le relief, la mobilité, quelquefois la couleur, etc., et comme un relatif, là-bas comme absolu. L'original a la primauté ontologique, mais il s'incarne, il descend dans l'image. Et plus loin, Sartre emploiera aussi le mot de possession pour qualifier le rapport qui s'établit entre l'image et son objet, entre donc, cet objet qui a la primauté, qui descend, s'incarne dans l'image. Il y a l'idée que l'image est une forme de possession, est une forme d'existence de l'objet qu'elle représente, ou plutôt elle est si on adopte à l'égard de l'objet qu'on a là devant nous, si on adopte une attitude imageante qui est différente de l'attitude perceptive, parce que pour voir Charles VIII là-dedans, il faut ne pas percevoir un rectangle avec des taches colorées ou noir et blanc là, sur mon image. Lorsqu'on perçoit la perception de ce truc là, c'est une surface bidimensionnelle avec des taches colorées répartie d'une certaine manière. L'image, déjà, on n'est plus dans un cadre bidimensionnel, il y a une sensation de profondeur, de relief, de perspective dans d'autres cas. Et puis, il y a ce Charles VIII qui est présent là, dans l'attitude imageante, mais qui n'a aucune raison d'être là dans la simple perception. Et on ne passe pas de la perception à l'image, ce sont deux attitudes différentes par rapport à l'objet. Ce sont deux types de conscience, dit Sartre. On peut adopter aussi bien l'une que l'autre. Et c'est un peu de la même manière qu'à l'égard de la d'un donné sonore, on peut adopter une attitude perceptive, et à ce moment-là, on arrive dans quelque chose qui ressemble à ce que décrit l'acoustique, ou bien une attitude peut-être imageante, je ne sais pas si c'est le terme qui convient le mieux, mais dans lequel quelque chose d'un autre ordre de réalité descend dans les sons, et les sons prennent cette dimension enchantée, cette qualité ontique qu'ils n'ont pas en tant que son, qu'ils ne peuvent pas avoir en tant que son. Ils ne peuvent pas être bleus, ils ne peuvent pas être des divinités, et tout le monde le sait, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une croyance particulière pour aller au-delà. Il y a simplement besoin d'un changement d'attitude par rapport à un donné sonore pour permettre à ces dimensions d'apparaître. Mais à partir du moment où elles sont apparues, on n'est plus dans la perception du son proprement. Voilà, bon, il y avait l'idée d'un monde à part, Roger Scruton, mais ça, vraiment, on va passer, ou à moins que ça vienne dans la discussion, on peut... Roger Scruton a une théorie, en fait, assez intéressante de ce décrochage ontologique entre l'écoute quotidienne, où dans l'écoute quotidienne, en fait, on rapporte les sons à leur cause, on entend une voiture, on entend une porte, on entend un train, on entend la cause de l'événement sonore, alors que dans l'écoute musicale, toute l'écoute musicale est basée sur l'idée qu'on n'entend pas une trompette, un violon, etc. On entend quelque chose, une ligne, un être, une couleur, etc. Mais on n'entend pas la cause. C'est pas la cause qui est importante dans l'écoute musicale. C'est pas elle qui fait sens. Mais on peut très bien dire qu'on entend un violon et une trompette, mais on n'est pas rentré dans la musique. À partir du moment où on rentre dans la musique, on est confronté à un autre ordre de réalité. Et pour Scruton, la capacité de constituer cet autre ordre de réalité est une capacité proprement humaine, en fait. Que les animaux n'auraient pas. Et c'est vrai qu'ils n'en donnent pas beaucoup de signes palpables du fait qu'ils pourraient entendre autre chose que, par exemple, dans ces deux enceintes, là, tout à l'heure, on a écouté pas mal de musique dedans. Si vous avez juste entendu deux trucs qui font du bruit, un certain type de bruit, ben, vous n'êtes pas dans une écoute musicale. Si vous êtes rentré dans un autre, avec un rythme, avec un mouvement, avec des qualité chromatique, oubliant du coup que qu'il y a deux sources sonores et pas plus. Si par exemple vous avez entendu quatre instruments alors qu'il n'y a que deux sources sonores, vous êtes dans un autre ordre de réalité. Il n'est pas sûr d'après Scruton, que les animaux aient cette capacité de dépasser le donné physique immédiat. Tout à fait spéculatif. Voilà. Donc c'était à peu près là que je voulais arriver. J'avais une sorte de conclusion. J'ai une sorte de conclusion qui est, en fait, je vous ai formulé dès le début, je suis revenu dessus à plusieurs reprises, et que je n'arrive pas à retrouver maintenant dans le papier. C'est que, bon, il y a aussi une différence là dans la manière dont les signes fonctionnent. On n'a pas parlé des signes linguistiques, vraiment, ou d'autres signes sonores, mais c'est un peu. Il y a cette idée, notamment chez Sartre, à propos de l'imaginaire, les signes renvoient à autre chose. Le signe Charles VIII renvoie à Charles VIII, mais, alors que l'image fait arriver Charles VIII ici. La direction est différente. Et c'est un peu de la même manière. On peut retrouver ça un petit peu en musique, mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, on pourra peut-être aborder cet aspect dans la discussion. En tout cas, il y a dans ce type de monde instauré par l'écoute musicale, donc la musique est essentiellement une question d'écoute, c'est pas le donné sonore lui-même qui est musical, c'est pas l'intention du musicien qui l'institue en tant que tel, c'est un mode d'écoute, un type de conscience qu'on dirige sur les sons qui permet de faire émerger un peu à notre insu, mais avec une intention au sens dans un acte délibéré, des qualités ontiques qui ne sont pas celles des sons que les sons peuvent avoir normalement, et qui permettent du coup des interactions qu'on ne peut pas avoir ni avec les sons normaux, ni avec les autres, les êtres humains normalement. Le type d'interaction qu'on peut avoir, soit avec l'image là, de Charles VIII, ou avec la petite phrase de Swann, ou avec les divinités sous forme sonore, ou avec cet espace-temps qui émerge des enceintes dans une free party, c'est des interactions qui dépendent de ces qualités ontiques particulières. Voilà. Et c'est, du coup, je pense, parce que c'est dans ce paradigme-là qu'on pourrait situer une anthropologie de la musique qui tienne compte à la fois assez directement de ce que disent les gens, de leur expérience musicale, donc sans chercher à le traduire nécessairement en données acoustiques ou en cadre sémiotique, comme on le fait souvent. Donc ils tiennent compte de ça et qui permettent c'est intéressant pour l'anthropologie parce que l'anthropologie, on s'intéresse aux interactions, à la manière dont les gens interagissent les uns avec les autres ou avec leur environnement. Et bien là, si on veut faire une anthropologie de la musique, il faut saisir le type d'environnement sonore qu'installe la musique et pour ça, faire cette ontologie, c'est-à-dire décrire ce qui existe et comment ça existe dans ces environnements musicaux. Voilà, merci pour Merci beaucoup, Victor. C'était vraiment super intéressant. Enfin, c'est parce que tu arrives à revenir sur toute une série de problèmes qu'on traite depuis pas mal de temps, avec un angle qui n'est pas du tout celui qu'on a vu. Je suis vraiment navré de ne pas pouvoir suivre le séminaire de façon plus régulière, parce que ça m'aurait beaucoup intéressé, malheureusement. Le fait de prendre l'axe sonore, ça permet de mettre en évidence un truc qu'on n'avait pas vu du tout. C'est un peu le chapeautement. Vision en fait que plus les modèles animistes ou perspectivistes font, c'est-à-dire la porte du point de vue et de la vision qui inhibe. Enfin bon, du coup il nous reste une demi-heure, trois quarts d'heure hein, pour discuter de tout ça. Bon, je lance peut-être. Ah non, c'est déjà pas. Non mais j'ai la. Alors, du coup j'ai en fait une première remarque. Qui est sur. Tu as beaucoup parlé, en fait, dans plusieurs articles, j'ai vu que tu le faisais aussi, d'animisme musical. Et je me demandais jusqu'où, en fait, est-ce que tu le. Enfin, tu vas l'utiliser. Parce que on a vu, hein, dans les cas de la voiture que tu présentais là, il y a en fait qui sont un peu les paradigmes qu'on voit souvent dans les attributions, anthropomorphismes, etc. Mais dans les exemples que toi tu prends, il y a à la fois ça, c'est on va dire que la musique est gay, etc. Où là on peut voir une pointe d'anthropomorphisme, on voit à peu près vers où tu l'as. Mais en fait, il y a quelque chose de même beaucoup plus général et qui est vraiment des inférences simplement de présence. Et que ça n'est pas tout à fait, tu vois, il y a un peu plus général et englobant que simplement le modèle animiste. Oui, tout à fait. Non, animiste, c'est un cas particulier. Je pense que l'animisme musical est un cas particulier. Dire qu'un son est bleu ou qu'un son monte et descend, il n'y a pas besoin d'être animiste. On n'est pas dans un animisme là-dedans, mais on est déjà dans une ontologie un peu particulière. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la montée et la descente, elle ne s'effectue pas dans l'espace-temps dans lequel se situent les êtres physiques. Et pas dans le même espace-temps, même que les sources sonores. En fait. Il y a une énorme différence entre une source sonore qui monte et qui descend et une mélodie qui monte et qui descend. Et ça, c'est un peu la base. Après, sur cette base-là, je pense que dans ce cadre-là, émergent parfois ce qu'on pourrait appeler des êtres sonores. Et c'est ça qui fait l'animisme musical. Mais c'est un cas particulier. Voilà, assez répandu, mais particulier, absolument. Passage d'une écoute quotidienne à une écoute qui serait peut-être, c'est le mot que je propose, une magie immersive, métaphorique. La première serait pas une écoute musicale. Je me demandais ce qui pouvait produire ce décrochage dans l'autre ordre, hein, celui de l'immersion, de l'effet magique, animiste. Qu'est-ce qui fait qu'on est ou pas dans une écoute musicale et qu'on arrive à dépasser justement ces données physiques de la musique, enfin, ce rapport qu'on fait au producteur du son, si c'est la route. Et je me demandais si c'était peut-être des situations spécifiques d'écoute, codifiées ou ritualisées, dont dépend vraiment ce décrochage, et qui serait plus ou moins propice à ce décrochage, même s'il ne réussit pas forcément à chaque fois. Mais donc propice à cette immersion, mais en même temps, je pense que dans notre expérience quotidienne, intuitive de la musique, ou justement d'autres choses que de la musique, du son en général, il y a souvent des moments de fuite inattendus où ce décrochage a lieu. Par exemple, quand on marche dans la rue et qu'on a une expérience poétique du rapport entre le son de la pluie et le tambour d'un ouvrier sur... c'est un exemple type, hein, mais... Où la musique peut prendre possession de soi en dehors de ces situations prévisibles, justement, et codifiées, et actualisées, et au-delà de l'intention de l'agent humain, en l'occurrence, où on est presque pris par surprise, il y a le rôle du hasard aussi dans tout ça. Et où, dans ce moment-là, parfois, le non-musical peut faire musique et prendre possession aussi, comme le ferait la musique, dans l'exemple de la pluie, par exemple. Une expérience poétique de la pluie associée à d'autres éléments dans la rue, enfin. C'était ma question. D'accord, merci. Très bonne question. Je suis pas sûr de pouvoir y répondre, mais quelques éléments qui sont donnés par Scruton sur ça. Donc, je reviens un petit peu plus clairement sur ce que lui propose. Pour lui, il y a une question de causalité, en fait. C'est-à-dire, si je décompose la question en deux aspects. D'une part, quelle est la nature du décrochage ? Donc, parler un petit peu de ça, puis ensuite qu'est-ce qui le provoque. La nature du décrochage, d'après Scruton, moi ça me semble assez plausible intuitivement, mais c'est une question de causalité, c'est un changement dans une perception, dans une appréhension de la causalité. Dans l'écoute quotidienne, l'écoute écologique, disons, on rapporte les sons à leur cause physique, donc on les entend de manière indicielle. Comme un signe qu'un événement s'est produit, une porte a claqué, une voiture est passée ou passe en ce moment, etc. Dans l'écoute musicale, la causalité est interne, d'après Scruton, c'est-à-dire qu'on a l'impression que certains sons sont là comme un effet des sons précédents. Ils arrivent parce que d'autres sons se sont produits auparavant et ils s'enchaînent d'une certaine manière avec des effets de causalité interne. Alors ces effets de causalité interne, en fait, on les trouve dans la tradition classique occidentale, ça marche super bien, parce que vous avez les tensions-résolutions, par exemple, qui est un gros concept d'analyse musicale. Pam, pam, pam, pam. Là, vous êtes en tension et vous allez tomber quelque part. Faut retomber quelque part. Donc, il y a l'idée que ce qui va suivre... pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam, il est là parce qu'il y a eu pam pam pam pam avant et que vous étiez dans le monde de tension qu'il fallait résoudre. Bon. Et ça marche en fait assez bien aussi, pour autant qu'on puisse le savoir, on n'a pas des descriptions extrêmement précises dans d'autres traditions musicales où il y a des effets de causalité interne, on voit apparaître, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens parlent de musique, ils décrivent des causalités intérieures, internes à la musique. Le changement de régime de causalité, donc les mêmes sons, vous pouvez bien entendu toujours les attribuer à la cause physique. Mais à partir du moment où vous choisissez quelque part mentalement de voir leur causalité, de les voir dans une causalité interne au domaine sonore, vous êtes déjà dans un autre régime d'existence. Vous êtes dans un... Enfin, je vais revenir peut-être sur cette idée de régime d'existence dans un instant. Après, qu'est-ce qui fait qu'on bascule d'un côté ou de l'autre ? Clairement, il y a les déterminants culturels, puisque un endroit où des gens vont entendre de la musique, d'autres vont entendre que des sons et vice-versa. Et on parlait tout à l'heure de l'exemple des animaux qui n'étaient même pas sûrs qu'ils n'entendent jamais de la musique dans ce sens, qui perçoivent cette causalité interne au sonore. Quoi qu'il en soit, c'est clairement aussi un mouvement qu'on peut faire de manière intentionnelle. C'est ce que font les ethnomusicologues qui décident de suivre des informateurs qui leur disent, tu vois, ça c'est de la musique, alors qu'a priori ça semble ne pas être de la musique. C'est ce que font les mélomanes qui écoutent des choses d'avant-garde où il y a un mouvement d'essayer de rentrer dedans dans une composition aléatoire et des choses comme ça. Donc il y a cet aspect-là volontaire. Mais largement, ça c'est un peu la frange, largement c'est un peu automatique, c'est-à-dire que vous entendez pam pam pam pam et. Naturellement, vous ne pensez pas que j'ai fait quatre fois pam. Vous pensez un truc qui monte et qui arrive à un point de suspension. Pour ça, il y a des théories sciences cognitives qui expliquent ça, des théories de flux, la Gestalt théorie en fait appliquée au sonore. la manière dont se créent des flux auditifs. Et on peut montrer par des expériences que lorsque des stimuli sonores sont enchaînés avec, donc ils sont assez proches les uns des autres, là le point dans l'espace est le même. Par exemple, s'il est pam pam pam pam, il venait de quatre points différents dans l'espace, déjà vous percevriez pas forcément cette impression de ligne. Ou s'il y avait des timbres extrêmement différents. Mais là, toutes les conditions sont réunies pour que, un peu automatiquement, si on en croit la psychologie cognitive, donc il aborde ça de manière assez expérimentale et en principe aculturelle, même pas du tout en compte en terminant culturel, bah, automatiquement le cerveau combine ça, et apparemment il combine ça même chez les animaux. C'est un des points où du coup on peut se demander ce qui se passe chez les animaux. C'est-à-dire que les animaux combinent des flux comme ça, ils n'entendent pas quatre. S'ils ne le combinaient pas, en fait, ça ferait quatre impulsions différentes. Pam, pam, pam, pam. Alors que, en fait, s'ils le combinent, on entend un mouvement. Donc, il y a sans doute des déterminants neuronaux, apparemment, qui font que dans certaines situations, le cerveau a davantage tendance à considérer une causalité interne au sonore, un flux interne, considérer que les choses se suivent. En conséquence les unes des autres dans le domaine sonore, plutôt que de rattacher les sons individuellement à leur source. Il y a ces déterminants culturels donc, qui sont... là, c'est un peu le mystère, en fait, en tout cas pour moi, à l'heure actuelle. D'une part, comment on les comporte, comment on les apprend, comment on apprend à écouter quelque chose comme étant de la musique et d'autres choses comme n'étant pas, comment on apprend une chose comme la tension et la détente, par exemple. Comment cette sensation de tension et détente, elle est perceptible. Il n'y a pas besoin d'être musicologue pour la sentir. Les gens sentent, enfin, on peut faire, il y a des expériences qui ont été faites, tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui se résout, qu'il y a quelque chose qui se tend et qui se résout. Alors, parfois, les gens n'en parlent pas en ces termes-là. Tout le monde en Occident, ailleurs, non. Comment est-ce que les gens en Occident, alors que personne ne leur a expliqué, sentent ce truc-là de tension et de résolution? À part, je ne sais pas. Mais pour le décrochage, ontique est un peu... cette histoire de causalité est extrêmement importante parce que... Enfin, là, c'est un thème sur lequel c'est un peu frais pour moi, mais vous livre comme ça, peut-être que ça fait écho à des choses qui sont peut-être mieux enracinées chez des philosophes. Une lecture récente de Schopenhauer me rappelle que pour Schopenhauer, la matière et la causalité sont intimement liées et que en gros, il écrit même texto comme ça, la matière c'est la cause et inversement. Et du coup, la question de quoi la musique est faite, c'est-à-dire que la matérialité de la musique, si on suit cette intuition-là, qu'il appuie par le raisonnement, pour ma part, je le trouvais convaincant, il y aurait un lien à faire entre la matérialité des entités musicales, c'est-à-dire de quoi elles sont faites, pas matérialité au sens physique, mais matérialité au sens... qu'est-ce que c'est, de quoi c'est fait, et le type de causalité dans lequel elles sont entraînées. Mais bon, je ne peux pas vous en dire grand-chose de plus, de façon vraiment contrôlée, là. Mais, en tout cas, pour le moment, c'est au niveau de la causalité et du type du régime de causalité que se situerait le décrochage, et ce décrochage dépendrait de facteurs cognitifs, neuronaux pour une part, et sans doute partagés par l'ensemble de l'espèce humaine, et d'autre part de facteurs culturels. Ce qui est un peu du degré zéro de l'explication, parce que toutes les explications de la musique vont dire ça, en fait. Il y a des choses partagées, puis des choses culturelles, mais déterminer la part des deux, c'est ce qui est difficile, que je ne sais pas faire pour le moment sur cette question. Oui, mais en fait, t'as un peu répondu en fait là à la fin, mais parce que en fait, ce qui m'a frappé, c'est que dans la manière dont dès le début, en fait, t'as posé qu'il y avait une manière d'entrer dans un autre monde quand on écoute de la musique. Il me semblait que il y avait peut-être un déterminant historique et culturel hyper important à ce niveau-là, et qui était notamment aussi au niveau de l'association historique de la musique et de l'image dans le cinéma, qui me semble pouvoir conditionner beaucoup le fait que, enfin, c'est ce que tu disais, quand on est dans le RER et qu'on sort et qu'on a quelle que soit la musique dans les oreilles, on a l'impression d'être un peu dans un film, les choses deviennent un peu différentes, on marche plus pareil, etc. Et donc du coup, je me demandais dans quelle mesure il y avait des techniques qui avaient transformé justement ce qui est l'écoute et l'entrée dans un nouvel espace-temps. Parce que justement, est-ce que le cinéma n'a pas lié beaucoup la question de l'espace à la question de la temporalité musicale, a beaucoup joué sur nos horizons d'attente, sur par exemple ce que tu disais quand on entend ta-ta-ta-ta, le fait qu'il y ait une attente qui se crée, on se dit tiens, il va se passer quelque chose. Est-ce que c'est pas lié aussi à une mise en intrigue de la musique et qui ferait que finalement il y aurait des formes d'écoute qui seraient très différentes? Je pense en fait aussi à l'exemple que Jean Durin prenait la dernière fois sur certaines musiques, c'était en Ouzbékistan, où les jeunes qui écoutaient de la pop étaient hyper déçus parce que un musicien est venu jouer une espèce de pop ouzbek sur laquelle on ne pouvait pas danser parce que du point de vue de la temporalité, ça ne se dansait pas. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même tout un tas de musiques qui vont créer des horizons d'écoute et des pratiques de l'écoute et des manières d'entrer dans des mondes qui vont être pour nous, du coup, d'un côté, la musique qui se danse ou la musique associée au cinéma, etc. Et est-ce que, du coup, on peut faire une ontologie de la musique du point de vue de ce que c'est de l'écouter sans avoir, finalement, l'introduction de cette relativité culturelle et technique qui transforme les écoutes? Alors, la relativité culturelle et technique, normalement, c'est... Enfin, c'est l'objet, c'est un des objets d'étude des ethnomusicologues. Un des points de départ, on parle de l'idée qu'il y a une relativité des différences et on essaie de voir en quoi elle consiste. Le rôle du cinéma est, je pense, important, sans doute pour la scénarisation. Par exemple, l'impression d'être dans un film quand on sort du RR, on est là que lorsqu'on est habitué à voir des films et du coup on voit une certaine parenté. Maintenant, le fait de sentir la tension et la détente, pam pam pam pam, et la détente, ça, à l'époque de Mozart, c'était dans les mêmes termes en fait. Tension, résolution, ça s'exprimait dans les mêmes termes, sans qu'on puisse vraiment imputer ça à des associations de ce type-là en tout cas. Donc c'est plus ancien que le cinéma, quelque chose d'assez. Monde assez récent, et je crois que pas forcément. Donc la relativité culturelle, c'est absolument, c'est indispensable. Et il y a certainement des choses non musicales qui conditionnent notre manière d'entrer dans la musique ici et qui ne marcheraient pas ailleurs. Il faut sans doute chercher dans des associations de ce type-là des raisons de la diversité. De la diversité des mondes que les gens construisent, pas simplement dans la musique, je veux dire, mais dans les associations de la musique avec certains moments. Maintenant, c'est difficile, là encore, c'est difficile de donner une cause comme le cinéma ou tel rituel ou telle circonstance dans laquelle. La musique gagnerait un sens et qui conditionnerait toutes les autres, parce que c'est difficile de le savoir avec certitude et de qualifier, de mesurer l'effet d'une cause particulière sur une différence qui est assez large, en fait. Pourquoi certaines personnes voient dans la techno le même truc qui se répète et d'autres voient un défilement, un chant inattendu? C'est difficile de trouver... Et déjà, si on peut dire qu'il y a cette différence-là, et que le désaccord est de ce type-là, en fait, entre les gens qui ne perçoivent pas le même espace, c'est déjà une base, sans forcément arriver à l'expliquer. Et déjà arriver à décrire ces mondes différents dans lesquels les gens s'immergent. Donc, qu'est-ce que ça fait d'écouter quelqu'un qui n'a jamais vu un film, si ça existe, qu'est-ce que ça fait d'écouter un Walkman en se baladant quelque part, quel type de sensation est-ce qu'il a, ce serait intéressant déjà d'avoir ça. Trouver la cause est quelque chose qui nécessite, je ne sais pas, même pas trop par quel, enfin on peut faire des spéculations d'association, mais c'est difficile de trouver une validation, trouver une épistémologie pour ce type de raisonnement. Parce qu'en fait, je te prends deux minutes. Parce qu'en fait, la question, en fait, pour moi, c'est que comme tu le formules dans des termes ontologiques, en fait, tu places la question du côté de ce qu'est la musique. Et en fait, j'avais l'impression aussi, parce que tu parles quand même d'une expérience du côté de l'auditeur, et donc en fait, à mon avis, c'est pas exactement la même chose de se situer au point de vue de ce qu'est la musique ou de ce qu'est une expérience de l'écoute. Et en fait, c'est vrai que dans tous les exemples que tu nous as montrés, j'ai l'impression qu'on peut pas séparer ce qui se passe du point de vue de l'écoute de la pratique dans laquelle elle est investie. Et typiquement pour la techno, il me semble que c'était pas que de l'Oasis qu'ils avaient dans leur bouteille, et il y a quand même fort à parier que les gens qui vont insister sur le boum boum boum sont des gens qui vont l'écouter chez eux, assis dans une chaise, peut-être d'ailleurs à une heure où ils auront envie de dormir, ils vont l'entendre chez leurs voisins, et ça va faire que ils vont insister sur ça, là où les autres, pris dans un certain type de pratique, et pareil pour la musique classique, enfin, faut avoir envie de rester assis face à une scène. Absolument. Et du coup, si on prend en charge ces pratiques, et du coup, ça ramène le problème du cinéma, etc., c'est-à-dire comment l'écoute est intégrée dans un ensemble de pratiques qui vont être là, pour le coup, très différentes d'un point de vue culturel, technique, etc. Et si on fait les choses comme ça, en fait, c'est là où se pose la question, à mon avis, de est-ce qu'on peut encore parler d'ontologie ? C'est-à-dire, ça n'enlève rien à tout ce que tu as dit à la fin sur la question du monde que crée la musique. Mais ce monde-là, ça peut être un monde, disons, du point de vue de ce qu'est l'expérience de l'auditeur. Et donc, pour pouvoir rendre compte de cette expérience, il va falloir rendre compte de l'ensemble des pratiques dans lesquelles se met cet auditeur pour avoir cette expérience musicale-là. Et du coup, on ne parlera plus de ce qu'est la musique, mais de ce qu'est une expérience musicale. Enfin, je ne sais pas si tu vois, ça déplace le terrain de la question, j'ai l'impression. Oui. Oui, ça a l'air convaincant quand tu le dis comme ça. tout à fait. Je pense qu'en fait, c'est vrai qu'il y a peut-être une ambiguïté. Moi, je pensais parler un peu des deux à la fois. Je pensais parler de l'expérience musicale, si en fait c'est ça que m'intéresse, donc du point de vue de l'auditeur, quel type de monde la musique installe autour de lui, quel type d'entité lui présente. Mais il est clair que ce monde-là est pas, enfin, sauf dans des cas d'écoute. Il y a des cas d'écoute extrêmement intériorisés où vraiment on se focalise sur le son, ce qui est un peu le cas d'ailleurs dans la techno. Par exemple, le type qui met sa main dans ses poches et ferme les yeux, il est beaucoup dans le son, et alors il peut prendre plein de produits avant, ça changerait, mais il est dans le son à ce moment-là. Par rapport à une expérience comme le cinéma, on a le son, on a l'image, toute une action. Le son a d'ailleurs quelque chose de... Enfin, la musique a quelque chose d'extrêmement poreux. Par rapport à l'image, il y a une porosité du son qui est incroyable. On a beaucoup de mal à mixer les images, ne serait-ce que dans le mixage. Alors que les sons sont extrêmement poreux, on peut d'une part les mélanger les uns avec les autres, c'est ce que font les DJ, mais d'autre part aussi se laisser investir très facilement par des significations venues d'ailleurs, de l'image, du reste de la situation. La musique de fond dans un restaurant qui change un petit peu la conversation qu'on est en train d'avoir, mais qu'on n'écoute pas vraiment. Elle change un peu quelque chose, elle est là, elle n'est pas là, le restaurant est un petit peu différent avec cette musique-là, mais c'est clair que pour comprendre ça, il faut comprendre l'ensemble de la situation. Donc, parler d'expérience musicale, effectivement, de musique même, il faut la situer dans ce contexte assez large. Donc, oui. C'est peut-être pas la même chose que de parler de musique et d'expérience musicale. Mais en gros, moi, ce dont je voudrais parler, enfin, peut-être c'est de ce que ça fait pour l'auditeur et de la manière dont ça transforme son monde. Ça, je pense que c'est assez. Enfin, je peux s'accorder, je pense, assez facilement sur le fait que la musique change quelque chose dans le monde de l'auditeur, pour autant qu'il l'accepte en tant que musique. À vrai dire, même si c'était du sonore, simplement, ça changerait quelque chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est à partir du moment où on a une sensation que c'est de la musique, comment ça change les choses qui nous entourent, comment ça modifie les interactions qu'on a. Et pour ça, peut-être qu'il faut parler d'expérience musicale ou de musique. Mais à ce niveau-là, je ne vois pas très bien la différence, en fait. Je vois pas très bien... Même c'est juste parce que tu ramènes le terme d'ontologie qui, du coup, dit ce qu'est la musique, et alors que, en fait... Enfin, j'ai l'impression. Enfin, c'est fin comme distinction, mais c'est parce que tu disais que tu mobilisais des trucs philosophiques. Et c'est vrai que. Non, il faut être fin. C'est vrai que se placer du point de vue de l'ontologie, enfin, j'ai l'impression que c'est fixer quelque chose, en fait. C'est fixer ce qu'est. Et je prenais ontologie dans le sens là que lui donnait. Oui, alors c'est vrai que là, ça fixe beaucoup. Il n'y a pas l'auditeur là-dedans. The study of the kinds of musical things that are and the relation that hold between them. Donc ça, c'est fixé. En fait, moi, je rajoute automatiquement là-dedans pour un auditeur donné, à un moment donné. C'est un peu, parce que c'est un peu la base de ce qu'on fait en anthropologie, de toute façon. En fait, c'est clair que ça dépend de la perspective de... Enfin, est-ce qu'en rajoutant ça, donc si on rajoute ça dans la définition, ouais, l'ontologie, c'est ce qui existe pour quelqu'un à un moment... Ouais, pour une personne particulière à un moment donné. Ouais, est-ce que ça vaut la peine de mobiliser le terme d'ontologie qui en fait du coup te ramène mm-hmm. chez des auteurs qui eux vont tenter de fixer, enfin en fait c'est plutôt ouais. ça la question, c'est pas forcément, parce qu'il y a quand même une distinction que tu fais assez nettement mm-hmm. entre l'ontologie de la musique, j'ai l'impression, genre qu'est-ce que c'est mm-hmm. de la musique, et puis en fait l'ontologie des trucs musicaux, des êtres musicaux, je sais pas si quelqu'un oui. des... et du mm-hmm. coup c'est pas la même chose, c'est pas de la musique mais c'est des machins qui émergent quand il y a musique. Ouais. Moi je tiens pas particulièrement à utiliser à parler d'ontologie. Je trouve que j'ai trouvé d'inspiration dans les trucs qui parlaient de ça, et encore pas dans tous en fait. J'ai trouvé de l'inspiration en fait chez Descola pour cette question-là, et Descola est plutôt dans le genre de choses. Enfin, c'est les choses, comment les gens font exister des choses autour d'eux, et en leur prêtant certains types d'intériorité et de qualité, ils rentrent dans certains types d'interactions. Donc ça m'intéresse de voir ça en musique, comment les gens font exister des choses dans le sonore et qu'on leur prétend certains types de qualités en tant certaines interactions avec ces choses sonores. Donc en ce sens, du coup, j'avais pris ontologie là. Et puis, dans ma culture philosophique est assez réduite, mais dans les... chose que j'ai pu lire sur ça, il y a, alors il y a tout un tas de discussions, ce que je disais, qui sont vraiment centrées sur le monde occidental, et c'est vrai que très souvent, et ça c'est un travers aussi de la musicologie occidentale, c'est que les choses existent, point. Il y a qu'en anthropologie qu'on dénoue un petit peu ces choses-là, et que la musique, que les choses musicales n'existent pas, point. Elles existent pour quelqu'un à un moment donné, mais ça, c'est un peu la base de toute façon, enfin, de ce que font les ethnomusicologues. J'ai pas réinsisté vraiment dessus. Mais est-ce que si, du coup, s'il y a un autre mot pour dire ça en fait, les choses qui existent pour un auditeur, comment les gens font exister des choses dans la musique, quel type de qualité ils prêtent aux entités sonores, quel type d'entité sonore ils appréhendent et quel type de qualité ils leur prêtent. J'utilise ontologie pour parler de ça. Si ça peut être un autre mot, ça me va aussi. Mais et à vrai dire, ce serait même mieux, parce que je crois qu'il y a beaucoup de malentendus en fait sur l'ontologie. Donc, je suis preneur d'un autre mot pour dire la même chose. Mais pour rebondir sur ça, ouais. Justement, la raison pour laquelle tu parles d'ontologie, c'est aussi pour suivre le fil de cette idée que tu as, qu'il y a des êtres, des choses qui sont en fait des êtres sonores, mm-hmm. et qui se caractérisent comme êtres, et donc dont l'ontologie reste à faire. Et leur manière d'être inclut un certain rapport à l'auditeur. Et donc c'est une ontologie qui inclut le rapport à l'auditeur, mais qui essaie quand même de caractériser ce que sont ces êtres sonores. Mmh. Et ma question justement, c'était sur pour revenir sur cette idée d'être sonore, et sur ce qui était nécessaire pour sur les conditions de pouvoir parler d'être sonore. Mmh. Parce que pour l'instant, finalement, ce qui t'intéresse dans cette notion d'être, et ce qui semble t'intéresser en fait, ce sont des êtres, et c'est pas seulement des sons, c'est pas seulement des choses, c'est des mmh. êtres, c'est qu'ils ont une action, ils ont un effet, mmh. ils ont une agentivité, mmh. et ils sont aussi perceptibles en tant que tels. Ils ont une certaine autonomie. Ils apparaissent aux gens comme des êtres constitués, mmh. pas seulement comme des phénomènes dissociés, quoi. Mm-hmm. À un moment, ils font sens en tant qu'unité, quoi. Mm-hmm. Et ils font sens en ayant une action, en mm-hmm. ayant un effet sur l'auditoire. Mais je me demandais si ça, c'était suffisant, finalement, pour parler d'être sonore. Mm-hmm. Si, justement, tu as parlé de Suryo, et que je connais pas, et de la caractérisation du phénomène comme la possibilité d'occuper une place de sujet. Et je me demandais si des êtres sonores avait la capacité d'occuper une place de sujet. Et si ce n'était pas le cas, si c'était suffisant qu'ils aient une agentivité pour pouvoir être considérés comme des êtres, en fait. Mmh. Et alors, est-ce que ces êtres sonores sont aussi des sujets? Est-ce que, finalement, la question, est-ce que c'est de quoi la musique est faite, ou comment la musique pense? Est-ce que ces êtres sonores eux-mêmes pensent le monde qu'ils créent? Est-ce que ces êtres sonores perçoivent, ou est-ce qu'ils sont seulement perçus? Est-ce que leur être au monde, c'est seulement d'être perçu et d'avoir un effet par la vertu d'être perçu? Mmh. Ou est-ce que leur être au monde dépend d'une vraie capacité de mondiation, d'une vraie capacité de penser son propre monde? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, c'était, si on admettait ça, si ok, on disait il y a des êtres sonores, qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on y perd, quoi? Alors, ce qu'on y gagne, effectivement, c'est de pouvoir vraiment prendre au sérieux l'autonomie de ces phrases musicales et de ces moments musicaux, et leur importance et leur effet, quoi. Bon, ça, c'est vraiment ce qu'on y gagne. Mais je me demandais, par contre, ce qu'on y perdait, et ça rejoint un petit peu vos questions, je crois, c'est est-ce que là, du coup, on ne risque pas de pécher par exclusion de la musique du monde dans lequel elle est perçue? C'est-à-dire, par exemple, quand on regarde un rituel, si on commence à être intéressé dans le rituel et à s'intéresser exclusivement aux êtres sonores qui y apparaissent, est-ce qu'on ne s'interdit pas l'analyse synesthésique qui permet de montrer que, justement, il n'y a pas, que le son n'existe que par la performance d'une certaine personne, qui a une certaine odeur, qui le fait dans un monde qui a certaines couleurs, avec... Et je pensais par exemple aux free parties. Y a un truc qui est vraiment beau, la vénération des enceintes, c'est magnifique, quoi. Ces exemples sont super, et je pense que vraiment tout ce sujet marche là-dedans. Mais il y a cet élément où les gens essayent, finalement vivent et surfent sur une matière, en fait. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la manière dont ils essaient chacun de se mettre dans les interstices les uns des autres, en fait. Et que l'expérience de la musique, elle n'est pas chacun dispersé et vénérant pour soi-même les enceintes, mais de se coller le plus possible, mais pas seulement de se coller, en fait, mais de pénétrer dans la masse les uns des autres, quoi. Mm-hmm. Et y a comme ça, en fait, une physicalité de l'expérience sonore qui fait que, finalement, s'il y a un être sonore, il ne peut pas être que de façon sonore seulement. L'événement musical ne dépend pas seulement du rapport avec un être sonore, mais aussi de la mise en place d'une certaine physicalité du lieu, d'une expérience corporelle, quoi, qui justement met le son en rapport avec d'autres choses. Alors si on parle d'être sonore, si on arrive vraiment à faire ce truc intellectuel, quoi, d'arriver à considérer les êtres sonores en tant que tels, est-ce qu'on ne perd pas du coup le lien qui forme dans un espèce d'écosystème, quoi, phénoménal, j'en sais rien. Voilà, c'est... Bah, t'as raison, deux fois t'as raison, pour les deux. Tu t'as dit deux choses, j'ai l'impression. Donc d'abord, est-ce que ces êtres sont vraiment des êtres? Au fond, c'est vrai que non, ils ne pensent pas, il n'y a aucune raison de croire qu'ils pensent, qu'ils perçoivent, qu'ils sont perçus. En ça, ils ont... Pourquoi pas, Je n'ai aucun élément, en fait, de ethnographique ou autre qui dirait que ça... Sauf peut-être pour les divinités qui... les divinités, quand elles ont parmi leurs formes une forme sonore, mais c'est une forme parmi d'autres, et puis effectivement, du coup, la divinité dans son ensemble, elle a une agentivité qui dépasse ce qui se passe là, juste avec la forme sonore. Mais, bon, sinon, quelque part, ces êtres sont dans une situation moins... Ils existent moins que les êtres de fiction, par exemple, où tu peux projeter dans l'abstraction, et puis où tu peux projeter des choses sur ce qui se passe, sur ce que ces êtres font, sur leurs pensées, leur personnage d'un roman, par exemple. Donc ça, ces trucs sonores, en fait, sont juste des trucs qu'on perçoit. Et à la limite, être sonore, c'est un petit peu, on comprend, parce que, en fait, j'étais parti là-dessus au début, puis on avait fait des panels sur Sonic Beings et tout, ça sonne bien, c'est chouette, et puis c'était motivant comme piste, mais en fait, c'est juste des cas particuliers, un peu comme je disais tout à l'heure, c'est juste des cas vraiment assez particuliers. Le truc de base, c'est une ontologie enchantée, disons, donc des qualités, des entités, mais pas des êtres nécessairement, des entités qui ont des propriétés que les sons ne peuvent pas avoir normalement. qui ont un volume, qui ont des couleurs, qui ont une texture, qui ont un goût. Voilà. Et ces entités-là, mais ça peut être entité au même titre que... C'est-à-dire qu'on peut les comparer pas nécessairement à des êtres, mais à des choses aussi. Et peut-être qu'on a, comme focalisant sur être, ça va trop dans cette direction animiste, un peu. Moi, c'est un cas, les êtres sonores. Le truc de base, c'est les choses, les entités, voilà, qui ne sont pas, vraiment sonores et qui. Alors, c'est vrai qu'il y a cette question aussi de l'agentivité, de la qualité d'action de la musique a un effet sur nous, elle agit sur nous d'une certaine manière, et c'est pas très évident de savoir comment une mélodie triste communique sa tristesse. Ça reste un sujet de... Alors, déjà, il y a une différence entre reconnaître qu'une mélodie est triste et ressentir la tristesse qui en émane, parce que c'est... Enfin, comme d'ailleurs avec un être humain, en fait, c'est voir qu'une personne est triste et être touché par ça. Est-ce que c'est un mécanisme du même ordre, c'est un mécanisme empathique, d'empathie qui fait que, dans certains cas, on voit juste que le gars est triste, et puis dans l'autre cas, il y a quelque chose qui se communique de sa tristesse parce qu'on ressent peut-être qu'il y a quelque chose du même ordre, mais comment est-ce qu'un mouvement, enfin, dans le cas du visuel, on peut, disons qu'on explique l'empathie, donc ça a été lié à cette question des neurones miroirs, mais maintenant on en est un peu revenu. À un moment donné, tout est expliqué par les neurones miroirs. Le fait que vous voyez une personne triste, vous reproduisez un peu vous-même les mouvements de la tristesse et puis du visage, et donc du coup vous ressentez l'effet. Mais avec la musique, ça marche pas, parce que le fait d'entendre une mélodie triste, vous n'avez rien à reproduire vraiment qui en vous-même physiquement qui fasse la tristesse, à moins de recourir au mouvement de l'âme. Ça, c'était Aristote, mais c'était Platon et les autres. Mais c'est quand même une théorie qui est plus vraiment tenue, mais qui était très intéressante, par exemple. La musique comme propageant des mouvements de l'âme. Alors, mais il n'en reste pas moins que... Voilà, ça, c'est une donnée quand même assez présente, que les gens ressentent peuvent ressentir une tristesse et peuvent ressentir que la tristesse émane de la musique. Il y a un type d'agentivité là, et du coup, mais c'est peut-être un petit peu, c'est faire un pas de trop peut-être que de dire voilà, il y a un être sonore, parce qu'effectivement il n'y a pas plus que ça non plus. Mais il n'y a pas non plus, on n'est pas non plus juste dans le cas où c'est un son bleu par exemple, ou une saveur ou une texture, on dit qu'un son est rugueux par exemple. Là, on est vraiment dans une description d'une qualité, d'une entité. À partir du moment où cette entité commence à émaner de la tristesse, on va vers quelque chose qui est de l'ordre de l'être, mais qui est peut-être pas tout à fait. Donc là, il faut effectivement que je sois plus attentif avec ce terme-là. Et à vrai dire, c'est mode. Et puis, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? En fait, j'aurais tendance à voir... tu as tout à fait raison, en fait. On perd des choses en focalisant comme ça. Mais on perd ça de toute façon si on veut rentrer dans la boîte noire qu'est la musique. Et là, il y a une différence, en fait, entre... tout le monde peut faire une ethnographie d'une situation où la musique est présente, un rituel. Donc, tu peux la faire sous la forme de... les musiciens... Les tambours commencent à jouer, la devise de la divinité, et le médium tombe en transe. Et ça, c'est une description que n'importe quel ethnologue peut faire et qui est parfaitement valable. Maintenant, dans certains cas, on peut vouloir ouvrir cette boîte noire qu'on a mise dans la phrase « Les tambours commencent à jouer et le médium tombe en transe ». Qu'est-ce qui s'est passé là, dans cette interaction-là ? Donc là, on va focaliser sur ce truc-là. Et pour ça, il faut rentrer dans les structures sonores qui ont été produites et dans la manière dont elles sont efficaces. Et c'est vrai qu'en faisant ça, il y a un effet de focal qui fait que, du coup, on perd un peu le reste. Enfin, c'est un effet de focal inévitable et qu'on retrouve aussi dans n'importe quel travail ethnomusicologique qui parle de la musique. Il y a beaucoup de travaux ethnomusicologiques qui ne parlent pas de la musique, c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'ils en parlent, ou plutôt qu'ils en parlent au niveau de les tambours jouent et le médium tombe en transe. Ça, pour moi, c'est pas une... On n'a pas vraiment parlé de la musique, on a mis une boîte noire là et puis on a parlé de la situation. Ce qui est parfaitement valable en ethnologie, en anthropologie. Mais ça ne remplace pas le fait d'essayer d'ouvrir cette boîte noire. Et lorsqu'on veut l'ouvrir, et c'est ça que j'essaye de faire. Et là, je pense que le paradigme des êtres, je mets de côté de l'ontologie ou de... Voilà, est plus intéressant que d'autres paradigmes qu'on utilise dans ce cas-là, mais dans ce cas précis, on veut ouvrir ça. Les paradigmes qui sont paradigmes sémiotiques, en premier lieu, c'est-à-dire que, en gros, on va traiter les structures sonores comme des formes de signes, donc comme des choses qui réfèrent à autre chose qu'elles-mêmes, Ça, c'est dans les définitions les plus élaborées, dans le cas les plus élaborées. Hein, c'est quand on s'appuie sur Peirce, quand on s'appuie sur Jacobson, c'est simplement l'émetteur qui encode un message et le récepteur décode le message. Et donc, j'ai encodé ma tristesse et t'as décodé ma tristesse. Et donc, voilà. Et donc, en gros, ça s'est passé entre nous comme ça. Et je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent entre ce qui se passe dans le langage, le type de réalité qu'installe le langage, plutôt que le langage n'installe pas, en fait, le langage réfère une autre réalité, et le type de réalité qu'installe la musique, qui met là quelque chose entre nous. Donc c'est pour pallier à ça, en fait, que je propose ça. Mais c'est vrai que, dans un cas comme dans l'autre, en fait, c'est vrai que la physicalité, par exemple, tu as tout à fait raison, la physicalité de l'expérience, la manière dont tout ça est extrêmement important, mais pour tenir le tout, il faut changer de focale. Il faut changer de focale, mais il faut de toute façon le faire, quel que soit le paradigme qu'on adopte pour ouvrir cette boîte noire. Moi j'avais une remarque sur Sorio. Oui. Je me demandais pourquoi tu avais focalisé sur un type de un mode d'existence en particulier, qui est le mode d'existence phénoménal, puisque qui est intéressant et qui sûrement permet de dire pas mal de trucs. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant sur Sorio, c'est que chaque truc, chaque chose superpose en fait plusieurs modes d'existence. Et que, en général, pour les œuvres, pour ce qui est œuvres d'art, musique, art plastique, compris, il en dénombre quatre. Et il y a le phénoménal, mais il y a aussi justement le physique. Le physicaliste en est un, la présence matérielle de la chose. Il y a la phénoménale, il y a celle qu'il appelle réique ou chosale. C'est-à-dire que le fait que le truc, il ait une organicité interne. Et après, il y a le transcendant. C'est-à-dire que cette chose, elle m'amène aussi vers des mondes un peu étonnant, un peu autre. Et du coup, je trouvais ça intéressant de suivre le programme de Sorio parce que ça correspondait à la définition que tu mettais d'ontologie musicale, puisque c'était chercher les choses musicales et les liens qu'il y a entre elles. Mm-hmm. Chez Sorio, il y a cette idée aussi, alors ça après c'est compliqué à expliquer parce que ça reste assez spéculatif, comment les différents modes d'existence se lient entre eux. Comment il peut y avoir des couches en fait pour expliquer ce truc-là, et en même temps que ces couches sont liées parce qu'il y a des relations entre intermodales. Donc ça peut-être ça peut avoir le coup de voir comment la musique, à la fois elle lie un mode d'existence physicaliste, aussi phénoménal, en même temps chosal parce qu'il y a une unité organique dans la mélodie ou je sais pas quoi, et en même temps ça permet d'accéder à des mondes qui sont autres. Ça reste un peu à voir. Hein. Mais en fait, il y a ce programme-là. Si on prend le truc de Sorio, il y a ce programme-là. Et autre petite remarque, c'est le fait de lier, de mettre la référence à Sorio et de suivre direct après avec Sarp. Là, il y a un truc qui marche pas forcément. Parce qu'en gros, ils sont pas potes quoi, sur cette question-là. Ouais. Dans le sens où Bergson, la pensée de l'image qu'il a, il l'a construit contre Bergson. Mm-hmm. Bergson, il a une idée de l'image objective. Où l'image, c'est vraiment, je peux la rencontrer, elle a vraiment une existence en elle-même. Chez Sartre, au contraire, quand il va parler de l'image, c'est toujours une construction mentale. C'est un truc à nous. C'est-à-dire le mode d'existence de l'image, en fait, c'est le mode d'existence de la conscience. Et pourquoi qu'il y a le lien avec Sorio, c'est que j'avais essayé de faire la généalogie, on va dire, de l'expression de mode d'existence, puisqu'elle apparaît dans les années 50, on la trouve chez Sorio, mais on la trouve chez Simondon aussi, de pluraliser comme ça les modes d'existence, pour voir d'où ça venait. Alors, je ne suis pas vraiment bien sûr de moi, mais il me semble en tout cas que la première fois où c'est utilisé de manière assez massive, c'était Sartre, justement, dans l'imagination, donc pas dans l'imaginaire, mais dans le petit truc qu'il a fait avant, sur l'image, qui reprend à peu près les mêmes thèses, où il parle beaucoup du mode d'existence, alors justement de l'image, mais surtout de la conscience. Pour lui, il veut caractériser ce qu'est l'humain, le sujet conscient. Et du coup, il y a cette réaction, on va dire, chez Simondon et chez Bergson, de pluraliser, chez Sorio, pardon, et chez Simondon, de pluraliser les modes d'existence pour ne pas donner la faveur trop grande au sujet, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le sujet qui existerait, il y aurait un mode d'existence spécifique, mais il pourrait y avoir d'autres choses. Alors chez Sorio, ça va être en premier, ça va être l'œuvre d'art. Chez Simondon, ça va être les objets techniques. Mais ensuite, je connais moins bien les modes d'existence au pluriel chez Sorio, parce que là, je crois qu'il y a beaucoup de modes d'existence différents. Mais dans ses premiers ouvrages sur l'art, il en dénombre quatre, ce que j'ai donné là, phénoménal, chosal, physicaliste et tout ça. Et voilà, enfin, vous voyez cette réaction qui est vraiment dirigée contre Sartre. Donc c'est vrai que c'est étonnant de les voir un peu en parallèle. Oui, oui, oui. Même si je comprends bien pourquoi tu dis. Bon, voilà, mais il y a quand même l'idée de mode d'existence qui suit un petit peu. C'est vrai que. Enfin, peut-être qu'ils n'étaient pas potes sur tout le truc, mais ils avaient quand même des préoccupations assez communes. Mais ils n'ont pas la même thèse. Oui, je n'étais pas au courant de cette généalogie même. La raison pour laquelle je les ai liés quand même, c'est parce qu'ils se... bon, c'est qu'ils... moi, je voyais ça comme deux approches différentes d'une même... En gros, d'une même question. Je ne sais pas qu'ils étaient explicitement opposés. Et à vrai dire, le fait qu'ils soient explicitement opposés n'est pas. Enfin, je continue à voir ça comme deux approches différentes d'une question du mode d'existence. Et c'est vrai que bon, l'approche de Suryo est plus fine hein, des modes d'existence. Il a, dans ce que j'ai compris, pour ma part, des modes d'existence, en fait, il ne dénombre pas. En fait, il renonce à dénombrer. Il dit voilà, il y a ça, mais en fait, je ne vais pas dénombrer. Et puis. Les modes dont tu parles, je les ai retrouvés, effectivement. À vrai dire. Alors, c'est bon. Dans les ouvrages intérieurs, en fait. Oui. Déjà, il commence à démontrer. Que j'ai pas, c'est oui. Sur l'art, en fait. Oui. La correspondance des arts et dans l'avenir de la critique. En fait, il reprend ces quatre choses. Oui. Et effectivement, après, quand il se pose vraiment la question du mode d'existence, il va encore plus les pluraliser, presque pour pouvoir dire qu'il y en a, plus que ce qu'il donne. Et, par exemple, l'être de fiction. Oui. Mais voilà, justement, sur l'être de fiction, lui, il n'a pas d'existence réique, si je me souviens bien, hein, de Suryo. Il n'a pas d'existence réique parce qu'en fait, il ne dépend que de l'attention qu'on porte sur lui. Hein, contrairement aux autres. Il est entièrement dépendant de cela. Et donc, du coup, ils sont. Avec la musique, ouais, dans un cas. Enfin, c'est là où moi je me suis arrêté. J'ai dit, avec la musique, je ne sais pas très bien comment caractériser ça. Est-ce que ces entités musicales n'ont d'existence ? Je pense que c'est un peu comme les êtres de fiction pour le coup. C'est-à-dire qu'ils n'ont d'existence que pour autant qu'on porte une attention sur eux. Donc déjà, l'existence réique. Réique, il l'a. Parce que réique, ça veut dire qu'il a une unité. Ça veut dire qu'il a une forme. Ah, tiens, moi j'ai vu une autre. Physique, non, physique, c'est le premier. Ouais. Écoute, dans. Ah, c'est physique, il l'a pas, ouais, c'est ça. Dans le. Ah, je suis d'accord. Ouais. Écoute, cela, il faudrait. Parce que justement, j'ai failli. Ouais. Là, je n'ai pas la citation ici, hein, mais j'ai justement revu ça. J'avais compris un petit peu autre chose. Mais il se peut. Alors, une des raisons pour lesquelles je ne vais pas davantage dans le sourire, c'est que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris exactement. Tu vois, et je pense qu'il peut y avoir plusieurs interprétations un peu différentes de ce raisonnement un petit peu spéculatif, effectivement. Qui du coup, je voudrais pas baser trop de choses là-dessus, parce que je préfère baser sur une ethnographie et sur des données le plus possible de l'anthropologie, en trouvant une inspiration un petit peu, mais pas aller plus loin. Et par exemple, dans les modes d'existence, si mon souvenir est bon, sous réserve que mon souvenir soit bon, il renonce, par exemple, c'est-à-dire il y a quatre modes d'existence. Donc du coup, ça change aussi selon les époques et selon. Et cette question réique, pareil, je vous demande à vérifier exactement ce qu'il en dit là, dans ce livre-là, parce que peut-être qu'il a changé de définition entre-temps. Alors, dans ces conditions, ça rend la chose un petit peu complexe, mais effectivement, puis il y a des choses où je ne sais simplement pas comment appliquer, parce qu'il ne parle pas vraiment de musique. Ce qu'il dit sur l'œuvre d'art est extrêmement intéressant, mais il le dit là, dans la perspective de la relation entre le créateur et l'œuvre. Le plus souvent, ça, c'est comme ça. Et là, il y a des passages vraiment d'animisme complet, en fait, où l'œuvre se présente comme une troisième. Enfin, comme il y a la matière, il y a le créateur, et puis il y a l'œuvre qui descend dans la matière, et le rôle du créateur, c'est de faire descendre cette œuvre, mais cette œuvre qui existe, qui est un être, et on a une responsabilité par rapport à cet être, une responsabilité quasi morale. Alors ça, c'est dans je trouve que dans le livre sur les modes d'existence, il y a un des textes sur comment il s'appelle de l'œuvre à faire. Voilà. Donc l'œuvre à faire, c'est vraiment elle a une égoïté, elle a tout ça. Bon, mais ça, c'est dans la relation entre le créateur et l'objet. Alors que moi, en fait, tout ce que je raconte tient plutôt du côté de l'auditeur. Et ça, c'est quelque chose. C'est aussi un mouvement que moi j'ai fait au départ. Moi, je travaillais avec des musiciens, en fait, avec les... Et la plupart des ethnomusicologues travaillent avec des musiciens, en général. C'est là où c'est le plus simple de discuter avec les gens de musique, et c'est là où, c'est là où ça se passait. Beaucoup plus difficile de parler de musique avec, avec des gens qui écoutent comme ça, de temps en temps, avec le boucher, avec votre ami qui, bon, j'aime bien la musique, bon, en fait, ils discutent. Mais... Voilà. Là, c'est vraiment difficile de faire un terrain. C'est vraiment difficile. Mais en même temps, c'est là que ça... Enfin, c'est intéressant, je trouve. Et pour ça, Suryo n'a pas énormément de... Enfin, il a des choses sur les modes d'existence, hein, c'est les modes d'existence en général, mais sur ce qu'il dit sur l'œuvre, c'est un peu moins ça. Mais peut-être, mais j'aimerais trouver... Enfin, je vais... ça fait partie des choses sur lesquelles il faut que je reprenne régulièrement, déjà pour me rappeler ce qu'il a effectivement dit. Je vais reprendre suite à ce que tu dis. Il parle de la musique en plus, hein, ses premiers ouvrages. Ah, peut-être. Alors ça, j'ai pas lu ça. Sur la musique, j'ai pas lu. Puis il y a des problèmes, par exemple, comme celui qu'a soulevé Greg, de quel mode d'existence est-ce que ces entités pensent non, elles ne pensent pas. Okay. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on les caractérise par rapport aux êtres de fiction? Je ne sais pas, ça c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre, et où la lecture pour le moment de Suryo ne me permet pas de savoir une entité ou un être, une entité, genre une structure, une architecture sonore, ou bien une entité au sens beaucoup plus animé, un être au sens plus animé. Comment ça, quel est le mode d'existence de ça par rapport à un être de fiction, par rapport à Madame Bovary? Je sais pas. J'ai l'impression que Madame Bovary a un mode d'existence quand même assez différent de ce truc-là. Et je sais pas trop. Pour le moment, voilà. Ça reste une œuvre à faire, pour toi. Ça reste une œuvre à faire, absolument. Merci beaucoup, Victor. Merci à vous.